Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui braque l'industrie du podcast au passage. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Hello. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors messieurs, ça y est, c'est parti, c'est la saison 5 de Fin du Game. Ouh, on est de retour dans vos oreilles un vendredi sur deux. On a un programme incroyable, on l'a déjà dit plein de fois, mais... il est tellement incroyable qu'il faut le redire. On le redira encore, probablement, quelques tout, fois. Tout le temps, tout le temps. Qui se passera à la fois dans vos oreilles, mais aussi sur Twitch, hein, on le rappelle, puisque nous avons fait une petite soirée de lancement la semaine dernière. On a annoncé que voilà, on allait lancer les sessions FDG. On a déjà commencé à streamer cette semaine. Vous avez peut-être croisé Exerve ou moi-même sur Twitch, mais voilà, vous pouvez continuer à nous rejoindre sur la chaîne Fin du Game JV. Pour jouer, découvrir les jeux voilà, qui seront ou pas dans l'émission. Voilà, on fait des petites sessions comme ça. Bah là, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, en plus vendredi, il y a Hugo qui stream à 15h. Oui, tout à fait. Voilà. Et moi, je stream le soir à 21h. Je streamerai du coup du GTA V pour parler un peu de l'épisode, se balader un peu. Attends, en ville. Dans voilà. Le futur, là, oui, la gestion des paradoxes temporels qui est... Franchement, les gars, je suis impressionné. Et pourquoi on peut vous impressionner? Eh bien, c'est grâce au Patreon, c'est grâce au soutien que nous avons sur notre page Patreon. Je le rappelle que pour faire vivre cette émission, nous avons besoin d'énormément de moyens. Et vous êtes là à nous suivre. Donc merci énormément à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Vous aussi, si vous n'êtes pas sur Patreon de Fin du Game, et c'est votre droit évidemment, vous avez le droit, mais vous pouvez aussi remercier ces personnes parce que c'est vraiment grâce à elles qu'on peut faire cette émission sur la durée. Donc merci énormément. On remercie également notre sponsor, voilà, Fin du Game est partout. Notre sponsor, c'est le PlayStation Plus. Le PlayStation Plus, qu'est-ce que c'est? C'est ce catalogue qui est disponible via un abonnement en ligne sur console PlayStation. Le catalogue diffère en fonction des paliers que vous choisissez et on va vous les représenter. Ça commence avec le PS Plus Essential qui, pour 59,99€ par an, vous donne accès aux jeux en ligne. Et il y a des jeux qui sont inclus dans cette offre, hein, qui sont offerts tous les mois. Exactement. Ce mois-ci, il y a Need for Speed Heat et Toen, entre autres, il me semble. Et bah, c'est un petit peu l'offre hein, que vous connaissiez comme le PS Plus jusque-là. Quoi. Le palier juste au-dessus, c'est le PlayStation Plus Extra. C'est à 99,99€ l'année. Et là, donc, vous avez ce que vous avez déjà de base avec le PS Plus. Mais il y a un catalogue d'un peu plus de 400 jeux qui s'ajoutent à ça. Parmi lesquels, il va y avoir ce mois-ci, en septembre, il y a Deathloop qui sort. Et il y a notamment également Chicory qui arrive. On vient de voir ça dans les jeux qui ont été annoncés. Ça fait partie des jeux qu'on a annoncés l'autre jour qui sera... dans la saison 5, donc voilà, vous voyez, encore une fois, on prévoit tout. Hein, ouais, ce sera l'épisode fin d'octobre, donc voilà, là ça arrive le 20 septembre, donc voilà, si vous êtes abonné, bah, vous pouvez jouer à Chicory, comme ça vous pourrez être fin prêt pour l'épisode. Et puis, le dernier palier, c'est le PS Plus Premium à 119,99€ à l'année, qui intègre, en plus de ça, bah, déjà, pour cet abonnement, vous pouvez jouer sur PC, hein, on peut jouer en streaming sur PC, c'est possible de jouer à des jeux PlayStation sur PC via cet abonnement. Bloodborne. Non, mais on dit ça à chaque fois, mais il y a des gens qui nous disent c'est vraiment possible. Et puis il y a un autre catalogue qui s'ajoute, celui des classiques qui permettent de jouer à des jeux PS1, PS2, PSP et PS3. Mais pas que, évidemment, puisqu'il n'y a pas que ça dans cette offre-là. Effectivement, il y a aussi la possibilité d'essayer certains derniers gros jeux qui sont sortis, comme le dernier Horizon ou Cyberpunk 2077, si vous êtes en manque de GTA-like. Et pourquoi je parle de GTA-like? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la petite icône, la petite miniature faite par notre artisan des miniatures, ici présent, Monsieur Serve. On va parler de GTA V, du mastodonte. Voilà, quelle meilleure façon de commencer la saison 5 avec ce jeu. Moi, je le demande, je n'en voyais pas d'autre. Donc voilà, on va pouvoir parler de GTA V, juste après une petite musique issue de la bande originale du jeu. On va s'écouter Welcome to Los Santos. Voilà la bande de son qui a été la BO qui a été créée par The Alchemist et Ono qui sont deux producteurs de hip-hop, et là sur celle-ci il y a MC8 qui est une légende un peu du rap américain, un des pionniers du gangsta rap, et puis il y a aussi Freddie Gibbs, voilà, un de mes rappeurs préférés tout simplement. Donc on est à la maison, on s'écoute ça et après on se retrouve. Break a solenoid on this one. Yeah, nigga. Los Santos, yeah. Where it's easy to catch a case. One times patrol with a pick of your face. Four deep in the lack, that's jack mode. Underwear to set neutral dress code. Drive-bys trying to pull grand theft. Bandanas on the antennas, neighborhood death. Rats fucking niggas for ends, bitch, please. Easily, friends turn into enemies. Tryna check a couple dollars, but it ain't long. Jealousy and shots if the weight wrong. Stay strong, die well. Growing up in the hoods, no fairy tale. Smack City, and can't y'all tell? Welcome to the city where it's dead or jail. Steady eating good, we pour licks. Staying deep like OGs and jail picks. Jail, welcome to the land. Welcome to the land. Welcome to the land. Straps a couple words in your hand. Yeah. Welcome to Los Santos. Welcome to Los Santos. Welcome to Los Santos. Welcome to Los Santos. Where it's easy to get some weight. Hop in the stolen whip and I take you straight to the place. The grand theft and robbery man draped on my face. A cold bastard, closed casket, seal my fate for this almighty dollar dollar. When we doing what we do, you know we do it proper. And all these doctors and psychiatrists can't save me. I'm crazy, every day these Los Santos streets gon' pay me. It feel good, don't it? Good smoking West Coast and on every hood corner. I drop the top at the beach, heard it's fun in paradise. Yo, that's the word on the street. Don't let these palm trees and bitches get you swept off your feet. I'm staying blazed in these sun rays. Evil seeds getting paid, cradle to the grave. You can try it if you want it, ain't a thing sweet. The weather's fine, but it's cold on these cold, on these rough ass streets of Los Santos. Welcome to the land. Welcome to the land. Put a bird in your hand. Welcome to Los Santos. Grand Theft Auto 5, c'est sorti le 17... Osé, hein. Oui, ben, on tente, on l'appellera GTA 5 à partir de maintenant. C'est sorti le 17 septembre 2013 sur PS3 et 360. C'est sorti 6 mois après sur PC. C'est sorti un an après sur PlayStation 4 et Xbox One. Et puis, c'est sorti il y a quelques mois, en 2022, sur la génération actuelle, donc PlayStation 5 et Xbox Series. Oui, c'est nimp, voilà. C'est, ça sort surtout, voilà. Est-ce que GTA 5 ou Skyrim, quel est le plus, alors je pense le que, plus non, porté non, GTA 5 est plus... Skyrim est plus ressorti, parce que tu sais, il y a toujours des rééditions, oui, voilà, puis des anniversaires, des machins. Les machins et non, tout, non, Skyrim voilà. Reste quand même intouchable sur le côté. ça, on peut y jouer sur son frigo. Mais GTA 5 est pas dégueulasse en termes de sortie. Puis c'est surtout que... Bel effort de Rockstar. Tous les ans, il est dans les tops, tu vois. C'est ça aussi qui est intéressant. Et ça, par contre, c'est fou. Bon, on en parlera évidemment. C'est développé par Rockstar North et c'est édité par Rockstar Games. Rockstar Games qui est une subsidiaire, une succursale, n'est-ce pas, de Take-Two Interactive, oui. Si je ne dis pas de bêtises. On va revenir, on avait déjà parlé de Rockstar, on avait déjà parlé à travers l'épisode de Red Dead, mais on n'était pas revenu vraiment sur toute la genèse de GTA, et c'est ce que nous allons faire, une genèse qui commence avec un homme barbu, qui s'appelle Sam Hauser. Ouais, c'est ça, je me repose surtout sur le bouquin, pour info, Pics and Love, qui est Jacked, l'histoire de GTA, je crois que c'est le petit sous-titre, qui est une traduction d'un bouquin qui était sorti aux États-Unis, écrit par un journaliste qui écrivait pour Rolling Stone, enfin des trucs un petit peu plus mainstream, mais qui visiblement on les a souvent rencontrés. Il y a beaucoup l'angle, en fait, justement, de Sam Hauser de Take-Two, slash Rockstar, tu sens que c'est plutôt eux qui rencontraient. Et du coup, on va commencer un petit peu cette histoire avec effectivement Sam Hauser, qui est un Anglais, hein, qui a une jeunesse plutôt dorée, puisque sa mère, elle est actrice de ciné, son père, il est musicien et qui possède un club de jazz à Londres. Hein, donc c'est pas un petit saltimbanque, des prolétaires. C'est ça. Et on reparlera de son frère plus tard, parce qu'il rejoindra l'aventure plus tard, mais il a fait Oxford, par exemple, son frère. Donc on est aussi, sachant qu'en Angleterre, voilà, ce genre d'éducation, ça coûte son pesant de pounds. Son pesant de pounds, voilà. Et donc le petit Sam Hauser, il est passionné par le label Def Jam, qui est le label de musique. Au début, c'est une espèce de qui fusionne un petit peu le rock, le hip-hop, mais qui est surtout connu pour le hip-hop, parce que Hugo a peut-être plus de précision à porter. Vous avez entendu sa description de la musique de Los Santos. Non, là c'est sûr que voilà, Def Jam, c'est vraiment un label iconique du hip-hop qui a commencé, je crois qu'il a été fondé avec Rick Rubin, et du coup qui avait fait avec les Beastie Boys cette espèce de rencontre rock et hip-hop. Et puis après, c'est vraiment devenu un label de hip-hop. Il y avait Def Jam New York, Def Jam South, Def Jam West. Enfin bref, c'est des plus gros labels, je pense. Même encore fait aujourd'hui. Un jeu vidéo. Oui, putain. D'ailleurs, moi, c'est comme ça, je pense, que je découvre le label, tu vois. C'est vraiment. Clairement, c'est comme ça. Tu vois, j'ai découvert plein de noms de rappeurs et tout, parce que c'était des trucs qu'on entendait, mais j'avais joué à Def Jam Fight for ça New York. Ça a été et voilà. Une de mes portes d'entrée dans le rap américain. Donc voilà, grand, grand, grand jeu. Je ne sais pas si on en parlera un jour dans Fin du Game, mais voilà. Donc voilà, Sam Hauser qui est passionné de Def Jam, mais pas que. Ouais, qui globalement baigne dans la culture. C'est moi qui dis ça d'habitude. Oui, mais c'est comme ça, voilà, c'est la saison 5. Et oui, globalement, il baigne dans la culture américaine, en fait, il adore New York, il va écouter beaucoup de hip-hop, et déjà quand même ce qui est intéressant avec Def Jam, c'est qu'il est pas intéressé par vraiment genre le hip-hop, les artistes ou quoi, c'est le label, l'image le label qui va l'intéresser, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard, et il est aussi passionné de jeux vidéo, il a notamment joué au jeu Elite, c'est mentionné dans le bouquin, voilà, il y a une liberté d'action qui le frappe à l'époque, c'est les années 80 Elite. Ouais, c'est ça, c'est milieu des années 80, aujourd'hui il y a un nouveau Elite, hein, vous connaissez, qui est toujours dispo, mais voilà, ça vient justement de ce jeu-là, c'est un jeu où tu joues un freelancer dans l'espace. Oui, voilà, c'est le jeu de vaisseau spatial Elite Dangerous maintenant. Voilà, c'est le premier jeu. Parfois Elite. Considéré comme un des premiers open world en fonction des définitions de trucs. Instant débat. Pour les gens qui aiment bien discuter, de faire des généalogies un petit peu hasardeuses. Et grâce au contact de sa famille, Sam devient producteur de clips musicaux chez un label qui s'appelle BMG. Et c'est un label qui voit que le jeu vidéo ça devient un petit peu hype, qui va lancer du coup sa filière aussi, BMG Interactive, et Sam Hauser, comme on l'a dit, il joue au JV, donc il demande un il est là, et ils lui disent, allez, vas-y, t'as qu'à faire. Occupe-toi ça, de toute façon, ton père, il est sympa, vas-y, c'est pour c'est ça. Faire. C'est vraiment cette époque-là, tu vois, c'est les années 80-90, où, de toute façon, les gens qui font du JV, comme il n'y a pas de formation, ni d'expérience, ni quoi que ce soit, c'est juste, t'as une incointance pour un truc, tu vas t'y retrouver à devoir faire ça, entre guillemets. Et pendant ce temps, en Écosse, il y a le jeune, on va dire, Dave Jones, qui est lui qui est un dev de JV, qui s'est lancé en solo, qui en 88 a notamment sorti Menace, qui était son premier jeu, Menace, et qui a bien marché. Il a lancé son studio, il a recruté des gens, des potes informaticiens, et il est surtout connu pour le studio du coup DMA Design qui a fait Lemmings, qui sort en 91. C'est un phénomène mondial, il y a 2 millions d'exemplaires vendus, ce qui à l'époque est assez colossal, et c'est rigolo, dans le bouquin t'avais des petites anecdotes où c'est un peu une star en fait en Écosse, parce que jeux vidéo écossais, c'est pas, à part du coup ça, c'est pas vraiment une terre de jeux vidéo, et il fait la couve de magazine, on l'appelle le Spielberg du jeu vidéo, ça aussi on c'est aime bien faire ça. On aime bien faire ça, on a le Godard nous du jeu vidéo. Oui, tout à fait, on le salue d'ailleurs. pas du tout. Et du coup, DMA cherche du financement, parce qu'ils sont sur plusieurs jeux en même temps. Il y a les suites de Lemmings, il y a d'autres jeux, parce qu'ils grossissent énormément. Et ils rencontrent Sam Hauser, parce que comme on l'a dit, il est éditeur maintenant. Finalement, il va pouvoir financer son jeu. Et donc, à cette époque-là, il y a Dan Hauser, qui est le frère de Sam Hauser, justement, qui va rejoindre son frangin, le mix, on va dire, entre BMG et DMA. Lui, par contre, il arrive en tant qu'auteur. Tu l'avais mentionné tout à l'heure, il sort de Oxford. Et en fait, ils vont tester une idée, c'est-à-dire que pendant que DMA continuent de bosser sur des jeux, ils vont faire un petit peu des protos de leur côté, ils vont essayer de faire une espèce de simulation urbaine avec des voitures, des piétons, des feux de circulation, voilà, on a vraiment le proto GTA, sauf qu'au début en fait ils sont pas du tout dans le délire GTA, ils sont à l'envers. Le code de la route. Ouais, ils sont plutôt dans le délire code de la route, c'est ça, qu'est-ce qu'on devrait faire pour, tu vois, on devrait incarner un policier, on devrait faire le bien. Et ce qui est assez drôle en fait, c'est que bah, ils se sont rendus compte qu'on se fait chier quand on fait ça, parce que bah, c'est pas drôle, c'est un jeu, donc il faut quand même qu'on puisse, tu vois, transgresser les règles et ce truc là. Et donc bah, ils inversent complètement leur prototype et ça devient d'un coup beaucoup plus fun. On peut virer les conducteurs, on peut piquer des bagnoles. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les règles. Ouais. C'est-à-dire que le code et les IA vont respecter un peu les règles qui ont été conçues pour la simulation. Mais pas nous. Toi, voilà, toi, l'objectif, c'est plus de les respecter, c'est de faire un peu ce que tu veux. Et c'est à partir de là, vraiment, qu'ils vont trouver leur fun et qu'ils vont pouvoir se lancer dans ce qui deviendra GTA, tout simplement. Et puis, ils t'incitent vraiment aussi à faire ça, puisque tu gagnes des points en écrasant des gens. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu un discours. Un peu. En fait, ils disent « Ah, mais nous, notre jeu, vous avez le choix de faire des mauvaises actions. » Mais justement, les systèmes t'incitent quand même à faire quelque chose plus... Parce qu'en plus, on est en plein milieu des années 90. Donc à l'époque, le jeu sulfureux, il y a Doom d'un côté, il y a Carmageddon aussi, où, qui était un jeu où là où il fallait littéralement rouler sur les piétons pour gagner de l'argent. Mmh. Dans GTA, le premier, c'est vrai que t'avais ça, j'avais oublié. Je les ai fait. Alors les premiers GTA, c'est assez rigolo, hein, parce que c'était vu de dessus. Ouais. C'était des jeux assez particuliers, mais on retrouvait vraiment toute l'ADN qui était déjà présente. Ils ont rajouté aussi ce système voilà, d'étoiles, le fameux truc où tu te fais poursuivre par un maximum de flics et il faut essayer de survivre ou de leur échapper. Et l'idée, c'est très tôt de donner aux gens l'impression voilà, de se retrouver dans une espèce de mélange d'influences, comme si, en fait, eux, leur idée, c'était de faire une sorte de simulation de Scorsese, hein, c'est ce qu'ils essayaient de dire. Il y a vraiment beaucoup d'influences du cinéma dans leur travail et dans leur approche du truc. Des crime movies, des films de gangsters, tout ça, c'est... Bah, en fait, c'était aussi un amateur de musique, mais aussi, c'est des gros cinéphiles et en fait, bah, ça va vraiment, dès le début, influencer GTA et l'univers. On va pas tous les faire, mais il y a plusieurs rêves déjà de films explicites et t'as notamment une mission où tu dois rester entre une certaine fourchette de vitesse sinon ta voiture explose. C'est speed, c'est littéralement le pitch quoi. Truc super intéressant que t'as noté Max, c'est qu'ils vont embaucher un publicitaire pour que le publicitaire, son idée ça va être de créer des débats au sein de politiciens pour voir si le jeu justement est sulfureux ou pas, et ça c'est ouf parce que en fait là avec tout le recul, voilà les débats sur GTA et en fait c'est un truc qui à la base a été orchestré par les gens de GTA quoi. En fait lui, il est, donc le publicitaire il est déjà un peu connu, il a déjà été au cœur de certaines affaires assez médiatisées et du coup il a des contacts, en fait il connaît déjà des politiciens ou les bonnes personnes avec qui parler pour répondre on va dire le message. Et effectivement il va partager GTA, partager un petit peu les risques qu'il peut causer, l'image tout simplement de GTA. Il sait ce que ça va causer en fait comme débat, et tu as effectivement des débats de parlementaires du coup en Angleterre qui vont dire le jeu est pas sorti et ils sont déjà en train de dire oui il y a ce jeu GTA, ce que serait pas une menace pour gens, nos enfants, la menace pour la jeunesse, des débats sincères en fait. Gens qui se posent vraiment la question, mais on sait comment ils disent qu'il y a les bonnes ficelles qui ont été tirées. C'est fou qu'ils aient déjà planté la graine, tu vois, c'est à dire qu'il y avait, et c'est ça qui est intéressant. Tu disais que Sam Hauser il s'intéressait surtout au côté label, etc. En fait il y avait déjà cette idée de comment on crée notre image, comment on se différencie, comment on fait parler de nous aussi. Ils sont beaucoup dans ce délire sur les salons avec un peu des goodies un peu spéciaux où tu vas avoir des le K47, en fait il y a des choses, par exemple ils ont jamais revendiqué ça, mais il y a genre des pilules de drogue avec Rockstar à une époque, c'était peut-être pour GTA 3, tu vois, parce qu'il n'y a pas encore Rockstar à l'époque, mais ils partent un peu dans tous les sens en fait. Avec le marketing, où ils créent des sites internet un peu bizarres, on sait pas qui l'a fait, c'était une initiative personnelle, enfin bref, ils sont un peu dans tous les sens. Et ça, moi en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant cette histoire, je le savais pas, et avec le recul, c'est assez drôle parce qu'on a été un peu manipulé entre guillemets, complètement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, GTA c'est devenu un truc dont on a parlé pendant longtemps, on y reviendra, ça a pendant longtemps été controversé, etc. Et le fait que ça soit une intention de leur départ, ça montre un peu leur cynisme et leur manipulation, tu vois, de l'opinion publique. Parce que comme tu l'as dit, c'est marqué dans le bouquin, le jeu, au moment où il sort, il y a déjà des articles qui parlent de lui comme étant un jeu controversé, etc. Ouais. Tu vois, comme s'ils avaient créé une sorte de... Enfin, t'as l'impression, quand tu lis ce genre de truc, de voir comment le rock ou le jeu de rôle était traité dans les années 60 ou 70, tu vois. Oui, parce que l'époque, comme dit, les débats sont quand même sincères. Il n'y a pas ce côté on nous ment avec des gens qui. Mais parce que, comme tu dis, c'est l'époque, c'est fin 90. Bon, le jeu vidéo, c'est encore un peu nouveau. Tu le dis, il y a eu Doom, et on va avoir l'occasion d'en reparler. Il y a eu des faits divers liés au jeu vidéo. Parce qu'on ne sait pas, on en avait parlé avec Mass Effect aussi, tu vois, 2007. Il y a une scène de sexe en 3D. Bon, ça choque un peu, c'est nouveau, tu vois. Donc, là, encore. Mais encore c'est plus. Juste que c'est eux, en fait, qui vont vraiment allumer la mèche. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment c'est fou, ça, en fait. C'est ça qui est C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que c'était plutôt l'inverse, tu vois, l'œuf ou la poule. Là, on sait clairement que c'est l'œuf d'abord c'est ensuite la poule. Exactement. Truc intéressant. Donc, on l'a dit, GTA, ça sort en novembre 97. Techniquement et graphiquement, c'est pas non plus une. C'est pas la folie. Puis surtout, bah, juste en face, il y a Tomb Raider qui sort. Ouais. Et là, qui est aussi un jeu britannique. Qui est aussi un jeu britannique, ouais. Effectivement. Et là, c'était vraiment la 3D, machin et tout. Alors que GTA, ça sort, c'était. C'était la 2D. Si vous avez joué à Prison Architect, c'est pareil. Tu sens que c'était pas un jeu qui était dans le futur, quoi. Mais pourtant, ça marche quand même plutôt pas mal. On avait noté quoi que c'est. Il y a quand même 1 million de ventes une fois qu'il sort aux États-Unis. Ce qui est quand même pas mal. Ouais. Et du coup, ils vont d'ailleurs sortir un premier DLC avec le premier GTA. Mais à ce moment-là, bah, BMG, en fait, ils lâchent un petit peu le côté jeu vidéo. Ils se séparent complètement de leur branche interactive. À ce moment-là, en fait, Sam Hauser, il va rencontrer du coup un des fondateurs de Take-Two qui s'appelle Ryan Brandt, qui est en train de grossir et qui rachète justement à ce moment-là BMG. Et du coup, Sam se retrouve propulsé vraiment assez haut dans la hiérarchie de Take-Two. Et d'ailleurs, c'est à ce moment où il va bouger à New York avec toute sa clique, même si évidemment le studio historique de Rockstar North reste toujours en Écosse. Ouais, ouais. Et ils vont justement à ce moment-là créer vraiment ce label, comme ils le présentent, d'un studio qui s'appelle Rockstar. On est en fin 98. C'est ça. Et puis ils vont, au passage, ils vont forcément bosser sur GTA 2, beaucoup de crunch et tout. Truc intéressant, encore une fois, sur les polémiques, c'est que le jeu, il est repoussé à cause de la fusillade de Columbine. Qui est du coup fusillade dans un lycée, si je dis pas de bêtises, par deux jeunes. Et en fait, là où ça a été une énorme crise pour le jeu vidéo, hein, à l'échelle mondiale, bon, surtout américain, mais c'est qu'ils étaient très actifs dans la scène des modeurs de Doom. En fait, c'est vraiment des joueurs et pas juste des joueurs. Et du coup, bah, voilà, comme dit, c'est l'époque où on questionne l'impact du jeu vidéo sur la violence. Et patatras. Voilà. Ah, bah, évidemment, pas le fait qu'on puisse s'acheter un flingue juste en allant ouvrir un compte dans une banque. Non, Benoît, c'est pas ça le problème. On t'a déjà dit. Parce qu'on était, en quoi là, en quelle année 99, ouais, 98, tu vois. Donc moi, ouais, j'étais ado, mais il y a eu Bowling for Columbine qui est sorti, donc le fameux docu, quelques années après. On l'avait étudié au lycée. C'est vrai que c'était assez le rapport au jeu vidéo à cette époque-là. On est vraiment encore dans ces discussions de le jeu vidéo et tu vois le grand méchant. Et c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que avec le recul, c'est à cette époque-là que ça s'est cristallisé, ces discussions, et qui explique pourquoi le jeu vidéo, pendant les 10-15 années qui suivent, a voulu comme ça se légitimer autant. Tu sais, tout ce désir de on est de l'art, on est un vrai truc et tout, qui est vraiment le truc du jeu vidéo des années 2000, c'est à cause de cette période de la fin des années 90. Parce qu'en fait, si les gens de GTA, tu vois, c'est assez drôle, c'est que si les gens là pour GTA, ils n'avaient pas parlé aux politiciens, il y avait à peu près zéro chance que la sphère du jeu vidéo arrive à percer et retrouver. En tout cas, ils seraient peut-être pas intéressés. Les politiciens, dès le début, ils en auraient parlé, mais ils auraient pris le truc avec beaucoup de retard, comme c'est le cas, tu vois, aujourd'hui. On le voit, ils s'intéressent à l'e-sport peut-être 6 ou 7 ans après qu'ils auraient dû le faire. Là, ils étaient déjà, justement, parce qu'on leur avait amené le sujet sur un plateau d'argent, quoi. Et en tout cas, bon, c'est une période où on va beaucoup essayer de légiférer sur le jeu vidéo, parce que mine de rien, je sais pas si c'est le cas de Rockstar, mais beaucoup de représentants du jeu vidéo doivent le défendre, du coup, face aux politiciens qui se demandent est-ce qu'on doit censurer, interdire à la vente aux mineurs, est-ce qu'on doit le proposer à la vente. Et eux, le jeu vidéo va essayer de le défendre, du coup, comme une forme d'art comparé au cinéma. Donc globalement, ça se passe bien, mais il y a parfois des restrictions, des choses. Enfin, on va pas revenir sur tous les détails, mais c'est une période assez tumultueuse pour le jeu. Tu vois, de ce qu'il en reste encore aujourd'hui, c'est que en Allemagne, pendant très longtemps et jusqu'à très récemment, le jeu vidéo était assez censuré et vraiment c'était très difficile de sortir des jeux. Il fallait souvent les adapter quand on les sortait en Allemagne, et en Australie pareil. C'est les règles en Australie et en Allemagne ont été assez dures, et ça date effectivement encore une fois de cette époque. Du coup, il y a GTA 2 qui sort en décembre 99. Et encore une fois, le jeu, il est encore plus à la ramasse, en fait, parce que graphiquement, techniquement, il n'a pas vraiment changé. Et il commence à vraiment avoir un pied dans le passé, parce que le jeu vidéo, quand même, ça commence à... la 3D commence vraiment à s'installer de plus en plus. La PlayStation 1, ça continue. PlayStation 2, c'est quelle année 2000, ce sera après. Donc c'est juste après. Ouais, ça va pas tarder. Et comme dit, les Tomb Raider, les suites, ça continue. Juste pour la petite info, tant qu'à dire, Take-Two rachète le studio DMA après la sortie de GTA 2, parce que mine de rien, commercialement, il marche encore suffisamment pour quand même continuer avec cette licence et faire d'autres jeux, hein. Take-Two, il y a quelques autres jeux, et pour info, il reste un petit peu sur cette ligne éditoriale un petit peu pas shady, mais un peu qui fait polémique, quoi. Ils ont un jeu qui est Manhunt aussi. Oui, c'est vrai qu'ils avaient sorti ça aussi, ouais. où là, bah, c'était un jeu de violence gratuite pure et dure, en fait. Hein, tu joues un type qui s'échappait d'un hôpital psychiatrique, si je dis pas de conneries, Manhunt. Je l'ai pas fait, mais du coup... C'est peut-être un peu après, mais je crois que ça surfe... Je confonds avec Postal. C'est, Non, mais en tout cas, Manhunt, il y a un truc très controversé aussi. Ça surfe un peu, je crois, sur la mode Hostel, So et compagnie. Enfin, bref, il y a vraiment, encore une fois, le label qui se fait une certaine image. Quoi. Ouais, ils essaient de faire parler d'eux comme ça. Mais GTA 2, c'est pas non plus un immense succès. Et du coup, vraiment, les recours critiques sont pas gueudins. Et finalement, c'est justement au moment où on va passer sur la next gen avec la PlayStation 2, ils vont apprivoiser cette console et ils vont faire leur GTA en 3D, et c'est là donc qu'il y a GTA 3 qui sort en 2001. Ils ont recruté énormément de monde, hein. C'est à ce moment-là qu'il y a pas mal de monde qui va rejoindre l'équipe. Je crois que les Leslie Menzies arrive à ce moment-là. Il y a Navid Kansari qui est le réalisateur de toutes les cinématiques de GTA 3, enfin toute la trilogie, quoi. Donc Vice City, San Andreas, qui a vachement... Enfin, j'ai écouté une interview de ce type-là qui est dispo sur YouTube. On va la retrouver dans la bibliographie, puisque à partir de cette saison, on va commencer à vous filer des documents à chaque épisode pour que vous puissiez voir les sources dont on s'est inspiré, et qui expliquait justement que bah voilà, là il a vraiment réussi à faire infuser un truc dans la mise en scène et les cutscenes de GTA 3, qui a apporté un truc et qui fait que le jeu il a cartonné. À partir de là, ça y est, en fait c'est à ce moment-là que GTA devient un peu GTA avec le 3ème. C'est quand même 6 millions de ventes en un an, donc aujourd'hui c'est déjà un bon score, mais en 2000 c'est nimp, c'est énormissime parce que la PS2, elle a qu'un an, donc elle a pas encore explosé. C'est pas encore la PS2 qu'on a connue sur la durée. La première Xbox, elle vient juste d'arriver. Elle n'a pas explosé encore du tout. Et sur PC, ça marche bien, alors que c'est le début de la période difficile du marché sur PC, où là, le piratage à l'époque était vraiment omniprésent. Et puis après, je pense que la suite est un petit peu plus connue, donc on va peut-être passer un peu moins de temps dessus, mais on va enchaîner avec Vice City et San Andreas, donc vraiment deux énormes succès de la PlayStation 2, de toutes les consoles, enfin voilà, c'est GTA, quoi, c'est vraiment des monuments. Je crois que Vice City, moi, c'est le premier auquel je joue pour de vrai. J'y joue sur PlayStation 2, voilà, je suis sur les motos, il y a les... 2002, les... t'as quel âge, toi? Attends, non, Vice City, c'est combien? Si, c'est 2002. J'ai 11 ans. Ouais. J'ai 11 ans. Mais j'y joue pas sur ma console, tu vois. C'est un grand cousin, je sais plus quoi, qui avait la cousin. Console, tu vois. J'y joue et je fais, d'accord. Non, c'était pas par rapport au fait que tu sois trop jeune, parce que moi, quand j'ai joué à GTA 1 et 2, je les avais téléchargés et j'avais pas du tout 18 ans. Mais parce que j'ai 18 ans en 2002. Et ouais, Vice City, c'est pareil. Quand il sort, je peux enfin me l'acheter. Tu vois, j'étais trop content. C'était mon premier GTA que je me suis acheté. Voilà. Chez Rockstar, il y a quand même un autre truc qui commence à être connu, c'est que c'est des gros crunchers de bâtard, donc c'est vraiment ils bossent comme des porcs, hein, parce que mine de rien c'est 2001, 2002, 2004, en cet espace de temps c'est GTA 3, Vice City et San Andreas qui sortent. Il y a eu une extension Vice City, peut-être GTA 3, je sais pas, donc en plus quoi. Donc voilà, c'est une énorme machine, les licenciements de tout ce qui est les départements QA, dès qu'ils ont plus besoin, ça dégage. Il y a aussi cette polémique du fait qu'ils ils gardaient pas les noms des gens, des personnes qui, en fait, si t'étais pas dans le studio au moment où le jeu sortait, ton nom n'apparaissait pas au crédit. Oui, c'est vrai qu'ils en avaient beaucoup parlé. Alors ça, c'est des choses qu'on a appris vraiment sur le tard, puisque du coup, c'est avec Red Dead 2 qu'il y a eu toutes ces histoires-là. Mais on sait que ça s'est passé comme ça pendant très longtemps, et qu'a priori, encore aujourd'hui, c'est un peu le cas. Alors ils sont en train de communiquer justement sur le fait que ils ont changé des choses. On verra si ça porte ses fruits ou pas. Mais à l'époque, tu te dis, ils ont réussi à enchaîner trois jeux comme ça, qui sont des monuments du JV en l'espace de 4 ans. Ils ont dû rentrer des palettes de fric sur les années, t'es là sachant qu'ils ouvrent aussi pas mal de studios, parce que aujourd'hui Rockstar c'est une dizaine de studios à travers le monde. Il y a des studios aux États-Unis, au Canada, il y a des studios en Asie, etc. Mais à l'époque ils en sont pas encore là, donc c'est vraiment c'est vraiment le studio écossais et puis celui qui est à la côte est des États-Unis. Encore une fois, il y a des polémiques. On peut peut-être mentionner celle du Hot Coffee, ça c'est San Andreas il me semble, qui est un mode en fait qui était pas dans le jeu. Si, c'est ça. Ça a été retiré. Rockstar a menti. Enfin, c'est aussi ça qui fait partie de l'affaire. Ils ont accusé des modeurs, alors qu'en fait, c'était dans le jeu de base. Et ils l'ont mis sous le tapis, tu vois, parce que ils précisent la réalité du développement JV. Si t'enlèves un truc, tu peux tout casser, en fait. Surtout que là, on est sur des rythmes de production assez effrénés, et puis il n'y a pas de patch, à l'époque. Du coup, il vaut mieux masquer quelque chose qui ne soit pas visible, et comme ça, tu casses rien. Et du coup, ils ont masqué des scènes vraiment de sexe explicite, où il y a limite un mini-jeu et tout, et pour que ça puisse sortir sur PS2. Et une fois que la version PC est sortie, en fait, il y a des modders qui ont déterré le truc. Évidemment, parce que c'était dans le code. Et du coup, énorme polémique. Parce qu'en plus, ils avaient un peu menti aussi avec le ESRB, qui sont les personnes qui s'occupent de faire les ratings, où ils ont fait. Parce que c'était ouais, trouvable sur PC, mais ils ont fait genre, ouais, c'est la même version que PS2. Enfin bref, il y a eu tout plein de polémiques avec Rockstar qui est plus ou moins responsable de certains mensonges, certaines choses où ils ont accusé les modders. Oui, enfin, parce que mettre du porno, entre guillemets, dans un jeu, en fait, ça te met tout de suite dans une autre catégorie et là, ça te ferme. Et là, en fait, tu peux pas vendre ton jeu. Oui, t'es même pas achetable à Walmart, tu vois, par exemple. Donc voilà, c'était pas possible. Donc, il y a notamment Hillary Clinton, en fait, qui à l'époque était secrétaire, je sais plus ce qu'elle était. Peut-être sénatrice. Ouais, bon, elle avait un rôle, tu vois, un peu plus secondaire, on va dire, qui était pas, enfin, qui restait quand même assez en avant-plan, mais pas tant que ça, grâce à son mari, qui était président des États-Unis, hein, pendant un temps, rappelez-vous, voilà, bon, le hot coffee, tout ça. Et donc, en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'elle a vraiment, elle s'est acharnée sur GTA pendant un an et demi, et du coup, elle aura le droit à un hommage dans GTA 4, puisque du coup, la statue de la liberté dans GTA 4 a sa tronche, et elle porte une tasse de café. Elle a pas cet espace de flamme, tu vois, de la liberté, etc. Là, elle porte une tasse de café avec une tête de Hillary Clinton complètement défoncée. Enfin voilà, ça fait partie des petites anecdotes rigolotes. Mais pendant un moment, il y a quand même des exemplaires qui sont retirés de certains magasins en attendant que voilà, il y ait des décisions qui soient prises. Donc ça a vraiment fait du mal au jeu, quoi. GTA San Andreas sur PlayStation 2, tout le monde avait GTA San Andreas. J'ai vraiment l'impression ça fait partie de ces jeux que tout le monde plus ou moins des incontournables. Et moi, ce que je trouve du coup d'assez ironique dans toutes ces situations, c'est que tu vois, il y a Sam Hauser qui était passionné par les États-Unis, le côté Def Jam, l'Amérique et le cinéma hollywoodien, hein, qui transpire vraiment dans tous les films, mais du coup concrètement il se heurte en fait au puritanisme du pays, mais qui fait aussi partie de l'ADN du pays qu'il adore, tu vois. Donc il y a un peu cette espèce de confrontation que je trouve assez intéressante. Et puis ensuite va sortir GTA 4, t'en as un petit peu parlé, ça sort en 2008, c'était sur Next Gen, hein, là ça arrivait sur PlayStation 3 et 360, qui arrivait avec l'ère HD, et qui va être un immense carton monumental au moment où ça sort. Je crois que c'est le jeu bat les records en termes de recettes par rapport à n'importe quelle œuvre culturelle confondue. C'est bigger than Batman, quoi. Il est comparé à Dark Knight qui sortait à peu près au même moment, mais oui, c'est l'œuvre culturelle qui connaît le plus gros démarrage de l'histoire. C'est à partir de là qu'on commence d'ailleurs à parler du jeu vidéo comme étant une des industries culturelles les plus riches, parce qu'en plus 2008 c'est la crise des subprimes aux États-Unis, donc il va y avoir une récession très très forte dans quasiment tous les autres domaines de l'économie. Le jeu vidéo est relativement épargné en 2008, ce qui permet d'en faire un marché, une industrie qui a une réputation d'être safe. On verra ce que ça donne avec la récession qui va nous arriver sur le bout du crâne, mais voilà, il sort vraiment à une période très particulière. J'aime comme tu envoies un petit scud comme ça, la récession là qui arrive, donc ça va être la merde, mais voilà, donc on va voir. Il sort en fait à l'époque en 2010, est-ce que le jeu vidéo va tenir, je sais pas, mais en 2008 il sort vraiment pile à ce moment là avec un ton très particulier, parce que c'est vraiment l'épisode de la fin de la désillusion, tu vois, du rêve américain. Ou dans Vice City, voilà, tu jouais ce type, tu vois, Miami, la cocaïne, la fête, les néons, les costumes fluo, etc. Et là, tu joues Niko Bellic, tu vois, qui est un ancien soldat yougoslave, des Balkans, en tout cas, de ce coin-là. Donc, GTA 4, que j'avais acheté d'ailleurs, moi, avec ma PlayStation 3, j'avais acheté Call of 4, GTA 4, allez, donne la PS3. J'avais acheté l'édition collector, t'avais un petit coffret de, tu sais, comme dans les banques, là, quand tu mets des trucs dans les coffres spéciaux, j'avais acheté l'édition collector. Ça me dit quelque chose. Tu avais un petit coffret en métal avec une petite clé et un petit cadenas avec ton jeu à l'intérieur. Voilà. Et ben nous, à Nintendo Land, on avait Twilight Princess. Voilà. En 2008, c'était Twilight Princess. Ça doit être 2007-2008. Ah oui, je crois, parce qu'il y a la Wii qui arrive après. Ah, c'est fou. Putain, ça me renvoie. On va pouvoir passer à GTA V. Alors, juste, il faut quand même rappeler que chez Rockstar, il y a un autre truc important qui est sorti quand même en 2010, c'est Red Dead Redemption. Hein, là, qui était surtout porté par le studio San Diego, Rockstar San Diego. Et c'était justement Rockstar North qui était un peu en soutien sur Red Dead Redemption, et puis ensuite ça va être un petit peu l'inverse, c'est Rockstar North qui va reprendre le lead avec GTA 5 et Rockstar San Diego qui passera en soutien, parce que là voilà, pour GTA 5 on met tout le monde, hein, parti. On a noté que ils sont passés à 1000 personnes sur le développement de GTA V. En tout cas, c'est l'info que j'ai chopé sur l'industrie, donc sans compter en plus marketing et sous-traitance, sachant que c'était environ 500 pour Red Dead Redemption ou GTA 4. Donc je calcule vite fait, on est sur du double. Donc voilà, vraiment le plus gros projet. Donc voilà, ils préparent tout simplement le mastodonte. Les réflexions, elles commencent par contre vraiment dès GTA 4. ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont, il y avait les DLC qui étaient sortis de GTA 4, donc c'était The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony, ouais, où il y avait deux autres personnages qu'on pouvait incarner, et il y avait notamment dans la Ballad de Gay Tony, on pouvait croiser ces trois personnages qui se, il y avait des espèces d'interconnexions, on voyait que les histoires se croisaient, et ça, les joueurs avaient été très très réceptifs à ça, ils se sont dit tiens, on tient un truc, et justement, on va peut-être essayer de faire un jeu avec trois personnages, et c'est de là que va partir vraiment la structure de GTA 5. Truc intéressant aussi que disait Leslie Benzies, hein, donc celui qui est devenu producteur, vraiment limite presque game director en fait, hein, sur les jeux depuis GTA 3, GTA 4. Il a eu un rôle vraiment central, et lui s'est barré un peu après GTA 5. Mais du coup, il expliquait que il y avait ce truc de se dire, bah, c'était assez inédit en fait de nous faire jouer plusieurs personnages avec lesquels on va devoir alterner, et surtout que c'est notre choix, c'est pas le jeu qui décide quand c'est qu'on joue vraiment les personnages, on peut vraiment alterner un peu comme on veut, et du coup il y avait ce truc de dire bah, il faut que les trois personnages soient assez équilibrés, il faut pas qu'on ait un préféré, parce que sinon ça va casser le rythme du jeu, ça va pas être plaisant. Donc voilà, une des grosses problématiques de construction de cet épisode. Et puis le deuxième truc qui vient vraiment de GTA 4, c'est les fameux braquages, on en reparlera un peu par la suite, mais voilà, dans GTA 4 il y avait cette mission Three Leaf Clovers qui était inspiré de Heat, le film de Michael Mann, incroyable, et et voilà, bah moi cette émission, moi ça m'a vraiment marqué à l'époque, je me souviens sur GTA 4 j'avais fait genre waouh, c'était vraiment fou, c'était un vrai moment de jeu assez incroyable, et bah comme beaucoup d'autres gens j'imagine, et justement Rockstar s'en dit waouh, les gens ils ont kiffé aussi cette mission, venez on va aussi partir là-dessus. Donc voilà, trois personnages et des braquages, c'est vraiment de là qu'est partie l'histoire de GTA 5. Autre point, c'est qu'ils voulaient revenir à San Andreas, comme ils l'ont fait un peu avec Liberty City, avec la HD, finalement, avec GTA 4. Ils ont pu vraiment donner vie à une ville beaucoup plus importante et tout, parce que c'était dans le 3, hein, du coup, ouais, Liberty City. Ouais, c'est New York. C'est ça, oui, c'est New York. Et là, du coup, ils se sont dit, on va revenir à la Californie, donc San Andreas, c'est l'espèce de pays fictif, hein, puisque Los Santos, c'est une des villes de ce truc-là. Et du coup, évidemment, ils ont fait des voyages, ils sont tous partis en Californie pour prendre des photos de la ville, Venice Beach, les hauteurs et tout. Ils ont fait énormément de recherches pour pouvoir apprivoiser tout ce paysage et vraiment essayer de refaire une sorte de version un peu remixée de la Californie. C'est un truc que ça, c'est Aaron Garbutt, donc lui qui est le directeur artistique des GTA depuis Super, 3. Ouais, voilà, depuis 3 aussi, qui expliquait un truc que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il disait que leur objectif, c'était pas de faire un Los Angeles ou une Californie qui était réaliste, qui respectait vraiment comment c'était, mais plutôt de capturer un peu le truc essentiel qu'on a vu surtout au cinéma, en fait, le fantasme que tout le monde projette dans Los Angeles et la Californie, et de monter et de créer le jeu autour de ça. Donc voilà, il disait que c'est pas un Los Angeles qui est fait pour les gens qui habitent à Los Angeles, c'est un Los Angeles qui est fait pour les gens qui rêvent de Los Angeles, comme on peut le voir à travers tous les films qu'on a pu voir à Los Angeles. Et ça colle bien avec leur ADN de toute façon, parce que tu vois, leur amour pour les États-Unis, en fait, c'est tout ce qu'on appelle le soft power américain, ouais, c'est-à-dire que la culture américaine, via le cinéma, la musique, la bouffe, etc., de toute façon, est présente et omniprésente. Enfin, je veux dire, le monde entier aujourd'hui connaît, tu vois, la culture américaine, et je trouve ça rigolo qu'ils, justement, ils assument ce truc-là en recréant une ville qui s'inspire de ce que les gens vont imaginer, tu vois, c'est tout ce que le fantasme de ce que sont les États-Unis versus ce qu'ils sont réellement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est sûr que même si quand on se balade en GTA 4 ou dans GTA 5, il y a des trucs qui sont vraiment des endroits qu'on reconnaît et qu'on retrouverait si on allait vraiment là-bas, mais c'est pas la réalité, c'est pas une simulation. En fait, c'est intéressant, c'est une version fictive d'une version fantasmée de la version de la réalité. On est donc, dans l'hyper-réalisme. Voilà, il y a un troisième, exactement, il y a un troisième niveau de lecture. Quoi. C'est un peu comme, tu sais, si tu vas sur la page wiki d'une ville, tu sais, en général, t'as un petit montage d'images, oui, tu vois, oui, de 4-5 images, et là, c'est pareil, mais avec, tu sais, des films, et Los Angeles, ça va être le centre-ville, et peut-être éventuellement, tu sais, les routes avec 10 lignes qui en sortent, les petites routes un peu sinueuses, qui montent dans les hills, c'est ouais, ça, avec les rues qui montent beaucoup, et des maisons beaucoup plus luxueuses qui dominent, finalement, la ville sur leur petite colline, ou t'as la plage, tu disais Venice Beach, ouais, avec, ça peut être, tu sais, t'as la grande roue, que tu retrouves dans Los Santos, ou les maisons un petit peu coloré, ouais, t'as une maison rose, bleue, comme ça. Ouais. Ouais. Truc aussi intéressant sur la conception de ce monde, c'est que c'est vraiment de là que part le développement. C'est la première chose qu'ils font, c'est-à-dire qu'il y a 150 personnes qui se mettent à façonner la map. Chaque personne possède une espèce de zone dont elle est responsable, et ils vont vraiment designer toute la map avec des endroits intéressants et tout. Et c'était intéressant parce qu'on avait fait un épisode sur The Witcher 3 où on expliquait que dans The Witcher 3, ce qui dominait, c'était les quêtes, c'est-à-dire que c'est les quest designers qui demandaient au level designer de dire j'ai besoin d'une petite hutte, là j'ai besoin besoin que tu me fasses une grotte, etc. Et c'est comme ça que c'était fabriqué. Là, c'est l'inverse. C'est la ville qui est d'abord fabriquée tout d'abord, et c'est ensuite les level designers, mission designers, qui vont devoir exploiter l'existant et trouver des situations pour nous faire voir un maximum de la ville. Et puis aussi... ce qui est important, c'est que dès le début, ils avaient l'idée de faire GTA Online, on en parlera un petit peu en fin d'épisode, et forcément, il n'y a pas que le solo qui allait exploiter cette ville, donc il fallait vraiment que tout soit intéressant, il fallait que chaque endroit ait un minimum de charisme et vraiment des caractéristiques, des landmarks, des trucs reconnaissables pour que n'importe où on soit dans la ville, il y ait un petit truc quand même intéressant à voir ou à faire. Et en termes de masse de travail, pour vous donner une idée, donc tu l'as dit, 150 personnes, c'est déjà énorme, mais c'est surtout que ça va prendre 4 ans. Ouais. C'est-à-dire que pendant quasiment une grande partie de la production, les gens continuent constamment de bosser et de revenir sur cette carte qui est du coup, comme c'est le terrain de jeu de GTA, c'est intéressant qu'ils aient cette approche-là, mais ça se comprend aussi parce que c'est vraiment ça le truc central d'un GTA, c'est la ville fait vraiment partie de l'expérience, donc le fait qu'ils y accordent autant d'importance, du coup, tu vois, ça a du sens. Quand on voit le jeu à l'arrivée, on comprend qu'il fonctionne comme ça. On l'avait estimé un peu, le budget, on a trouvé, c'était 265 millions de dollars. Voilà, ouais, donc c'est compliqué. Quand même, à un gros budget, c'est pas mal. C'est probablement un des jeux qui a coûté je pense que plus cher. Alors, a priori, Cyberpunk l'a dépassé. Et je pense que Red Dead 2 aussi. Red Dead 2 probablement. C'est pas 350 ou un truc comme ça. Je sais pas ce qu'on avait dit. Checker notre épisode, on avait des bonnes infos à ce moment-là. Et sachant qu'on parle toujours, quand on donne un budget, on parle du budget de la production. C'est-à-dire que vous pouvez au minimum le doubler si vous comptez le marketing, voire là, le tripler. Là, je sais pas s'il y avait pas le marketing dedans. Non, là, c'est le budget classique. C'est le budget de prod. Parce que le budget estimé était à plus de 500 millions dans mon souvenir. En comptant le marketing. Ouais, parce que c'est vrai que c'est important de mettre des grosses affiches avec Michael. Ah évidemment. Bien sûr. Sachant que j'avais déjà vu des infos, alors c'est pas sourcé ce que je dis, peut-être à prendre avec des pincettes, mais qu'il y avait un certain Call of Duty où genre le dev c'était 50 millions et le marketing c'est genre 200 millions, tu vois. Parce que c'est mais ça arrive, il y a pas mal de jeux où le marketing va dépasser le budget de production, ce qui est... en général, c'est facile, entre guillemets, de rentrer dans ces frais. Tu vois, pour des grosses licences comme ça qui ont un nom qui est porte, c'est toujours plus facile d'investir du blé dans la pub parce que tu sais que ça va rentrer derrière, les gens vont l'acheter. Le jeu sort et est extrêmement bien accueilli par la critique. C'est 97 sur Metacritic. C'est un point de moins que GTA 4. GTA 4, c'est 98 quand même. Donc bon, même si, encore une fois, c'est... Vous vous rappelez ce qu'on vous a dit. Au-delà de 90, on est déjà dans des très très grands jeux. Au-delà de 92, 93, on est sur des trucs cultes directs. Voilà, et 97, 98, c'est des marqueurs, des trucs essentiels. Et puis, des ventes, c'est n'importe quoi. Donc on les a, les votes. On a, encore une fois, je crois c'était qu'on 33 s'est basé millions sur, la première sur année. C'est des chiffres que tu tires de Oscar Le Maire, le Twitter, je crois. Oscar Le Maire, Twitter. Source. C'est 33 millions la première année. C'est quand même pas dégueulasse, il faut quand même le dire. C'est 20 millions la deuxième. Et ensuite, ça va se calmer. Et puis, ça reprendra. Mais ça, on y reviendra un petit peu par la suite. Pour arriver, en tout cas, jusqu'à 170 millions d'exemplaires. 9 ans après, on en est là aujourd'hui, c'est fou en fait. Enfin, c'est vraiment un phénomène et c'est surtout un jeu qu'on n'a pas forcément vu venir, ou en tout cas, même eux, on le disait entre nous, ne pouvaient peut-être pas anticiper un tel succès dans la durée. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient voulu vraiment miser à fond sur le online parce que ça faisait depuis GTA 4 qu'ils essayaient de mettre leur logiciel, le Rockstar Club, machin, enfin, de vraiment intégrer ce truc du multi pour diversifier l'expérience et la prolonger. Mais là, que ça ait marché autant, c'est complètement dingue, quoi. On va donc se plonger dans ce GTA V. On va revenir un petit peu sur l'histoire qu'il nous raconte. Donc, je l'ai dit, le plus important, c'était vraiment ces trois personnages à San Andreas. C'est vraiment ça, la base qui va structurer tout GTA V. Et notamment autour d'un des personnages qui est le personnage peut-être le plus central, qui est Michael Townley ou Michael DeSenta dans le jeu. Il a pris un pseudonyme parce que c'est un ancien braqueur à la retraite. Voilà, il a laissé ses ranger activités. Des voitures, voilà. Le jeu s'ouvre d'ailleurs sur un braquage qui tourne mal. Et voilà, quelques années après, on retrouve un Michael qui est installé avec sa famille, donc il a sa femme qui le trompe avec son prof de tennis ou de yoga, je sais plus ce que c'est. Les deux, je crois. Il y a les deux. Il fait les deux, voilà, c'est un coach sportif tout simplement, il y a sur deux TikTok. Coachs différents, c'est ça le truc. Oui, je crois qu'il y a une histoire j'ai des doutes, il y a des choses qui me rappellent plus, mais sa famille, de toute façon, c'est une horreur, je veux dire, sa fille le déteste, son fils c'est un gamer, donc c'est les pires. C'est vraiment terrible. Donc bref, Michael, voilà, il a de la thune, il n'y a pas de problème parce qu'il peut piocher dans les sacs de bifton qu'il a récupéré pendant sa carrière, mais il se fait vraiment chier et d'ailleurs on le retrouve chez le psy, il est déprimé, il est pas bien, mais au cours d'une sortie avec son fils, il va croiser la route d'un certain certain Franklin Clinton, qui est un Afro-Américain, qui est un petit peu un gangster, qui travaille pour un concessionnaire. Ils volent des voitures, voilà, pour un concessionnaire. Ouais, ils vendent des voitures, ensuite ils les revolent sous des faux motifs, ouais, etc. La petite ligne. Voilà. Et en fait, ils ont arnaqué le fils de Michael, ouais, là, parce qu'il veut s'acheter une grosse bagnole, un gros SUV super flashy. Et donc, malgré ce conflit initial, ils vont bosser ensemble. Ils s'entendent bien. Michael le prend un peu sous son aile. Ils vont faire quelques petits coups ensemble. Et malheureusement, il y a un coup qui va mal tourner, puisque encore une fois, à cause de sa femme, ils vont détruire une maison. Et cette maison se trouvait à appartenir à un des pontes du crime du coin. Et du coup, ils vont lui devoir énormément d'argent. Et ils se remettent à faire un braquage, parce que ce que Michael sait faire, c'est faire des braquages. Donc, il embarque Franklin avec lui, avec Lester, le fameux serveux de l'opération. Voilà, il planifie tout un truc. Ils vont braquer une bijouterie. Ils s'en sortent bien. Ils arrivent à braquer cette bijouterie. Mais il y a sur BFM Braquage, il y a une diffusion du reportage. Et là, on se retrouve au nord de San Andreas, et un certain Trevor Phillips, qui est en train de bourlinguer, tout simplement, voit à la télé, il se dit « Putain, mais c'est Michael, il est encore vivant, mais c'est pas possible, moi je pensais qu'il était mort et tout. » Donc, il parle comme ça, Trevor. Ni une ni deux, il prend son pick-up et direction Los Santos, et il va retrouver Michael, voilà, qui croyait mort. Et c'est là qu'on apprendra un petit peu que Michael avait fait un deal en fait avec les autorités pour pouvoir vivre sous une autre identité, être protégé. En fait, c'est un snitch, c'est un peu complètement, c'est une balance, hein, voilà. Donc ils se retrouvent tous les trois, voilà, Trevor qui connaissait depuis longtemps avec Franklin, et ils vont faire des coups ensemble, tout simplement, voilà, faire des braquages et tout pour gagner de la thune, parce que c'est sympa. Ils vont faire plein de trucs. Malheureusement, ils vont se retrouver un petit peu dans le collimateur du FBI et de la CIA, qui se tirent un petit peu, les deux institutions se tirent dans les pattes. Et eux, ils se retrouvent un petit peu au milieu, à devoir faire les besognes de l'autre pour contrer l'un, et puis inversement. Donc voilà, ils se retrouvent sous pression jusqu'à ce que, à la fin, Franklin ait à faire un choix. Parce que Michael et Trevor sont dans des situations compliquées, et on a donc trois choix. Soit on peut juste sauver Michael, soit on peut juste sauver Trevor, soit on peut essayer de sauver les deux. Et globalement, sachant que sauver Michael, ça veut dire tuer Trevor. Quand on sauve que l'un, on doit tuer l'autre. Exactement, c'est ça. Et au final, il y a quand même a third way, c'est comme ça qu'elle s'appelle la mission. Si on décide de sauver tout le monde, je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'on fait, parce qu'on va quand même pas sacrifier ces deux bons gaillards avec qui on a passé tant de bons moments. Et finalement, tout se passe bien, tout finit bien. Le pouvoir de l'amitié, de l'argent et des flingues permet de sauver la situation. Le crime paye, exactement. Crime pays. Et ils s'en sortent. Ils arrêtent de faire des coups ensemble, mais ils sont toujours amis. Voilà. En gros, c'est l'histoire de GTA V. Contrairement à GTA 4 qui se finissait un peu plus durement, là, c'est une fin. C'est une happy ending, en fait. Presque, ils arrivent à s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est vraiment le plot habituel des GTA où on se retrouve à devoir travailler pour d'autres gens, pour soit rembourser l'un, soit pour éviter de se mettre à dos telle ou telle pompe du crime local. Et là, à la fin, ils arrivent à se sortir de toute leur pression, et en plus, ils en sortent avec un sacré magot, donc tout va bien. Tout va bien, voilà, comme quoi, c'est un jeu qui nous donne une belle morale. Alors, on parlait de ces trois personnages, justement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de se plonger un peu, de se pencher, sur ces différents persos, parce qu'ils incarnent chacun à leur façon à la fois une imagerie, et puis aussi une espèce d'arc narratif qui va raconter un petit peu ce qu'est l'histoire de ce GTA V. Alors, on parlait de Mike, donc c'est le personnage principal. Alors, clairement, c'est un mélange pour moi entre Tony Soprano, donc voilà, le personnage principal des Sopranos, qui est un ponte de la mafia et qui va voir sa psy. Et ça, c'est vraiment la base de la série. Et puis, je le mélangerais avec le De Niro de Hit, mais qui aurait pris sa retraite, qui aurait pas choisi, je sais plus ce qu'il fait, bon, on va pas spoiler Hit, mais bref, qui aurait choisi de dire bon, j'arrête les conneries, ça y est, je pars avec ma thune et c'est bon. Et eux, ils le présentent, chez Rockstar, ils le présentent vraiment comme un middle-aged retired GTA Hero, donc un vieux héros de GTA. En fait, c'est un peu ça. C'est un Nico Bellic qui s'est un peu calmé, qui s'est mis de côté, qui a dit ça y est, j'arrête. T'as survécu en fait au jeu. C'est ça. Bon, c'est déjà, ça. Faut réussir à rester en vie dans ce milieu. Il a survécu au GTA et du coup, maintenant, il est pépouze à Los Angeles. C'est Scarface qui s'est dit oh, c'est bon en fait, je suis bien là. J'arrête. On continue de faire de l'argent ensemble, mais on arrête. C'est tout bon. Donc voilà, c'est vraiment ce quadra qui mais du coup, il s'emmerde en fait. C'est ça, justement. Lui, il aimait ça en fait, cette vie de gangster, il aimait vraiment le truc de, bah, de voilà, d'être... Le thrill, tu vois, dans cette vie super active, le dangereux, et là, il se fait vraiment chier avec sa famille, parce qu'il bah, il a rien à faire de ses journées, il bosse même pas, il est toute la journée sur son canapé à regarder la télé, à être au bord de sa piscine, voir sa meuf qui en a plus rien à foutre de lui, et ses deux gosses qui sont terribles, quoi. Il est quand même fan de cinéma, il regarde des vieux films à la télé, et t'as des missions annexes où tu peux bosser pour un producteur, mais justement, ton rôle, c'est, de toute façon, c'est d'être un sanguin et de tabasser des gens, et c'est comme ça qu'il rencontre finalement Franklin. De toute façon, c'est que son fils se fait arnaquer et il fonce dans le magasin de voitures avec la bagnole. Donc de toute façon, c'est il en profite en fait, hein, de cette situation, parce que vraiment très rapidement le shift pour tu vois, Franklin, il voit bien que c'est un petit jeune qui se lance et il se dit bon, bah, je vais lui filer les ficelles du métier, et il repart là-dedans vraiment. En fait, il est trop content d'y retourner, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment un personnage. C'est une enflure et il kiffe faire ces trucs d'enflure et ces trucs de braquage. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un très très mauvais père, hein, parce qu'il est vraiment hyper toxique avec ses. Enfin, tu sens que les enfants, ils sont affreux, mais tu sais pourquoi. C'est-à-dire, tu sais de qui ils descendent, parce qu'ils sont vraiment. Et ils l'ont repris aussi beaucoup de Soprano. Oui, tout à fait. Parce que toute la relation familiale de Soprano avec sa famille, elle est assez centrale. Là, ils sont allés dans le délire de ses enfants sont ratés. Enfin, tu vois, c'est vraiment des gros échecs. Parce que Meadow aussi, sont allés plus loin. Un petit peu comme ça, alors qu'elle, elle est plus un télo quand même dans Les Sopranos. Mais là, ils ont décidé, on va en faire une espèce de wannabe starlet. Et le fils, c'est vraiment la caricature du gamer qui joue en ligne et il insulte. Bah, tu sais, il y avait cette image de parmi toutes les images de promo, tu sais, avec les fameuses illustrations d'aquarelle où tu le voyais en train de jouer, en train de faire un fuck à sa mère ou à sa sœur pendant qu'il est avec son casque, tu vois, pas en train de jouer, quoi. C'est marrant parce que, enfin bon, il nous renvoie que clairement l'image du gamer, tu vois, ils prennent vraiment ça et de la renvoient un petit peu à la tronche, quoi. Il y a des sous-entendus comme quoi ils balancent des insultes racistes aussi fils du slurs, ouais. Mais il y a un truc quand même qui est assez finalement un peu drôle dans l'arc de la famille, c'est que ça va causer leur séparation. Bon, le fait aussi qu'ils justement ils se mettent à être en danger, en fait, il y a vraiment littéralement des gens qui arrivent armés dans la maison et tout, donc forcément la famille se sépare, mais ils vont renouer ensemble, mais par la violence quand même de Michael. En fait, il y a ce côté, ils s'acceptent comme tous des merdes un peu dans la famille et ça passe. Ah, mais c'est vraiment un truc complètement dysfonctionnel qui tourne autour du blé de Michael. Et voilà, le simple fait qu'ils soient retrouvés à être dans la même famille, ils arrivent à s'en sortir malgré tout, entre guillemets. C'est là où ça s'éloigne un peu plus de l'arc des Sopranos, mais vraiment la base est complètement basée là-dessus, quoi. Le truc que je trouve commun avec les Sopranos, c'est qu'ils arrivent à nous le rendre sympathique. Tu vois, c'est-à-dire que Tony Soprano, on l'apprécie alors que c'est le pire, c'est vraiment pas horrible, quelqu'un de bien, tu vois, vraiment, il est insupportable, il est chiant, et pourtant, en fait, le fait de vivre les choses avec sa perspective, le fait que tu t'attaches, et je trouve que ça, ils l'ont bien réussi avec Michael. Deuxième perso, donc c'est Franklin qui est peut-être un peu plus en retrait. Là, on reprend vraiment l'image de San Andreas, hein, puisque c'est un Afro-Américain. Il fait partie d'un. Je crois pas qu'il fasse partie d'un gang, mais en tout cas, il traîne voilà dans ce quartier avec les Ballers. Je me souviens plus comment ils s'appellent les gangs de GTA. Ça, ouais. Il y a les Ballers, mais il y en a un autre. Enfin, ceux qui ont la couleur verte iconique de San Andreas, qui était le gang là local. Et du coup, bah voilà, on fait des deals, on fait des trucs avec Lamar, son pote, qui est absolument insupportable, qui est vraiment un des pires bolos. Ouais, c'est vraiment le qui fonce dans le tas avec des usines, qui a vraiment des coups mais nuls. Oui, à chaque fois c'est un mauvais plan. Ouais, c'est vraiment les mauvais plans à chaque fois qu'on part sur un truc genre t'inquiète, c'est de l'argent facile et tout, et à chaque fois tu sais que ça va mal se passer. C'est la merde, on va devoir tirer sur des gens, on va partir, on va se barrer avec $3. Donc c'est voilà, c'est un peu la street life, le truc un peu gangster, voilà, c'est vraiment Boys in the Hood x gangster rap. C'est vraiment cette imagerie qui reprend, et finalement au fur et à mesure du jeu, il va avoir une place de moins en moins importante parce que bah lui, tout ce qui l'intéresse, c'est faire un peu de l'argent, et c'est tout en fait. Après, il s'occupe de son chien, puisqu'on a tout. Il y a une mission d'initiation, on a Chop là, c'est comme ça que s'appelle le chien. C'est le chien de Lamar à la base, bon, il le récupère, le fil. Et puis après, voilà, une fois qu'on commence à faire un peu d'argent, il va vivre dans les hills là, il a une super maison, et tu vois, il mange des Cheetos, il fait des trucs, donc voilà. Il a pas la vie là, c'est pas le perso le plus intéressant, il a pas un arc super intéressant, ils en font pas grand chose en fait. Non, parce qu'en fait, dès le début, il est compétent, en fait, c'est juste, il a eu la chance de rencontrer. De toute façon, lui, Lamar, il y a ce côté, de toute façon, que tu me dis un peu gangsta slash rêve américain, où juste, on veut se faire beaucoup d'argent, tu vois. Sortir du ghetto, sortir de leurs conditions. Mais lui, il lui manquait, en fait, l'opportunité, parce que le contexte dans lequel il est fait qu'il n'arrive pas vraiment à sortir du panier de crabe, et il rencontre Michael et il y arrive. Mais comme dit, il est compétent dès le départ, il continue à être compétent, et à la fin, il est à sa maison. Ce qui est déjà, dans une vie, c'est parfait, entre guillemets, mais d'un d'un point de vue narratif en termes d'histoire, c'est pas, ouais, y a pas vraiment de, voilà, de conclusion, de thème vraiment développé autour de ça. Oui, c'est ça, c'est que c'est un perso, voilà, il limite un happy end en plein milieu du jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a suffisamment de blé pour se sortir de sa condition, acheter sa belle baraque et avoir son rythme de vie, parce que c'est ça, il veut avoir un niveau de vie cool et il veut pas se prendre la tête, ben ça y est, en fait, tu vois, lui, si il a réussi son truc. Un peu de point de vue, tu vois, parfois il est toujours un peu genre, on va vraiment faire ça, tu sais, il sert un peu ce personnage-là, tu vois, de voir les trucs que Michael et Trevor sont prêts à faire pour la suite. Mais il est là pour dépanner, en fait. Franklin, vraiment, on l'appelle, enfin, on a besoin de tourner, il te fait, ouais, ok, je viens. Tu vois. Je sais conduire, j'arrive, c'est bon. Ça. Et donc, on en parlait, le troisième personnage qui est peut-être vraiment celui le plus iconique, celui qui a le mieux représenté GTA V, c'est évidemment Trevor Phillips, ce bon Canadien qui est qui est une espèce de psychopathe, sociopathe, un mec vraiment, vraiment, vraiment vénère. Lui, au début du jeu, il vit un peu dans la zone un peu nord, plus désertique, un peu de la Californie. Il fait plein de trucs, hein. Il s'occupe de la drogue, il fait du trafic d'armes, voilà. Trevor Phillips Enterprise. Oui, voilà, c'est ça. Il a toute une compagnie. Voilà, lui, c'est vraiment le crime. Il fait des trucs et globalement, ses solutions pour faire des deals, c'est d'aller massacrer la concurrence. Hein, globalement, c'est aussi simple. Il y a plus de concurrence. Et t'as gagné. Et ben voilà, tu gagnes des territoires tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le madman de ce jeu. Et c'est vrai que justement là où Michael et Franklin sont peut-être un peu plus c'est des archétypes qu'on connaît un peu mieux. Alors Michael, c'est pas la mafia, mais voilà, c'est un peu le braqueur blanc, 40 ans, voilà, c'est des trucs qu'on connaît bien, bien propre sur lui et tout. Franklin, c'est le gangster du hood, etc. Et là, Trevor, on n'a pas trop l'habitude de voir un mec qui a une espèce de bonne calvitie bien avancée, qui a un tatouage cut here sur le cou, et qui est juste fou furieux, quoi. Il n'y a pas vraiment bien plus à dire que ouais, ça. Ouais, mais c'est vraiment l'archétype de ce qu'on appelle les white trash aux États-Unis. Ouais, tu vois, c'est vraiment des gens assez pauvres, souvent d'ailleurs qui sont devenus pauvres à cause de la crise de 2008. C'était tu vois tous ces parkings gigantesques avec des mobilhomes à perte de vue et des gens qui vivent là-dedans parce qu'ils ont tout perdu. Et il vient un peu de ce milieu-là, en tout cas, il est représenté comme ça, mais surtout il est une espèce d'incarnation du perso idéal de GTA, parce que c'est vraiment un type qui a aucune limite. C'est vraiment, comme tu dis, un psychopathe, quoi. Il a tous les comportements sociaux, il est complètement incohérent. À tout moment, il peut complètement basculer et faire des trucs complètement tarés. Enfin, il y a une cohérence, et il fait ce qu'il a envie de faire, mais c'est imprévisible. Sur le moment, quoi. C'est vraiment le personnage du chaos. Et comme tu le dis, c'est vrai que quand tu es joueur ou joueuse de GTA, tu vas causer du chaos, tu vas être au milieu de la vie, tu vas faire n'importe quoi. Et Trevor, c'est ce qu'il est, en fait. Il a vraiment ce truc-là. Et c'est une espèce de ticking bomb, tu vois. T'as toujours l'impression qu'il peut exploser. C'est pas fait comme ça, tu sens qu'il y a une souffrance intérieure comme ça qu'il exprime par la violence. Et d'ailleurs, des missions annexes, des espèces de rodéo, hein, c'est lui qui reprend les rodéos, il se met dans la rue, il y a un mec qui l'embrouille parce que je sais pas, il l'a regardé de travers et ça y est, il va buter 20 personnes. Donc il y a vraiment ce côté, ils prennent un petit peu cette espèce de dichotomie entre ce truc un peu réaliste et le côté on peut faire n'importe quoi dans cette ville, et j'ai l'impression qu'ils l'ont injecté dans ce personnage, et ça donne un truc vraiment iconique. Et celui qui nous marque le plus, je pense qu'on sort de GTA, c'est Trevor, quoi. Et tu le vois dans les transitions, parce que tu peux passer d'un perso à l'autre, et très souvent, c'est le running gag, c'est le truc qui a marqué beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est un peu un mime, tu vois. Il y a des blagues parfois qui se font, tu vois une situation bizarre, et tu dis, j'ai l'impression que je viens de prendre Trevor, parce que quand tu le prends, il est parfois au milieu de 10 personnes qui sont mortes, sur une petite île en périphérie, il y a 5 jet skis garés, et t'as pas de contexte, tu sais pas ce qui s'est passé. Où il va être, il se réveille, il est en robe au sommet d'une montagne, il y a rien, tu sais pas comment il arrive là. Il est tout seul, il a été abandonné là. Ouais. Et du coup, ça, c'était marrant d'ailleurs, ces passages-là de transition, parce que du coup, comme quand tu laisses les personnages, en fait, ils font leur petite vie, et lui, il fait sa vie habituelle, et voilà, c'est sa life de Trevor, parce que c'est vrai que Franklin, typiquement, une fois qu'il a sa baraque, tu le vois, il est chez lui, il mate la télé, tu vois, il est en train de faire, il bouffe des chips, il fait du sport, il fait rien de spécial, quoi. Il vit tranquillement, alors que, quand tu retrouves Trevor, tu sais toujours, mais parfois, limite, tu dis, putain, je dois faire 10 minutes parce que je suis tout seul dans la montagne, il n'y a pas de bagnole, il n'y a rien du tout, je dois juste. Et ça crée des situations drôles juste avec ça, en fait. Et puis il y a aussi ce passage, on a peut-être pas parlé, mais le passage de la torture aussi, hein, c'est un personnage. Il y a cette fameuse mission où du coup Michael doit retrouver quelqu'un lors d'une soirée, et de l'autre côté il y a Trevor qui en torture un autre pour qu'il lui donne des informations. Un passage qui avait fait un petit peu polémique, parce que c'était un passage où on torturait concrètement, puisque comme souvent dans les GTA, il crée plein de petites interactions spécifiques juste pour un seul moment. Dans Red Dead, on se souvient que c'était un moment tout le temps, tout le temps. et là dans GTA 5, ce passage, c'est un mini-jeu, en fait, un peu de c'est un mini-jeu de temps. va lui, lui pincer les tétons, enfin faire plein de choses super rigolotes. Comment dire, par tu sais, tu mets un chiffon sur l'eau, oui, sur la bouche, de, tu fais du waterboarding. Truc, voilà, waterboarding, merci, qui est devenu populaire depuis la guerre en Irak, hein, finalement. Merci. Très 24, populaire, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est, ouais, c'est ce genre de. Ça fait partie de ces. Enfin, 24, c'est la série où, qui est sortie vraiment post 2001 et qui était un peu une espèce de. T'as l'impression que ça avait été une sorte de commande du gouvernement américain pour dire voilà, on va justifier tout ce qu'on fait grâce à Kevin Sutherland. Mais c'est vrai qu'on en parle parce que cette torture elle avait fait un peu polémique à l'époque. Et pourtant, en fait, comme on est constamment dans la violence et tout dans le jeu, et que malgré tout, il y a ce ton un peu fun, un peu délirant, bah, moi, c'est vrai que c'est pas une scène qui m'avait particulièrement choqué. Et peut-être qu'aussi parce que je regarde, j'ai vu pas mal de crime movies, des trucs comme ça. Et en fait, dans les films, j'ai l'habitude de voir ça. Alors là, là il y avait la différence que c'est toi qui le fais, c'est toi qui actionne, mais pff, c'est à peu près en tout. En fait, il y a toujours une espèce de, t'sais, de déséquilibre de deux poids, deux mesures dans la visualisation et dans la compréhension de la violence dans le jeu vidéo, parce que ben, GTA de base c'est un jeu qui est ultra violent, donc ça a été discuté, voilà, on en a déjà parlé, mais c'est en fait le personnage de Trevor, il est comme ça, c'est-à-dire que depuis le début, de toute façon, on fait n'importe quoi, c'est-à-dire que on met en parallèle le fait qu'à ce moment-là du jeu, je sais pas, on a peut-être tué 200 ou 300 personnes, on est déjà un criminel de guerre, tu vois, vu la quantité de gens qu'on a tués, mais le fait d'en torturer un et de s'attarder vraiment sur la souffrance de la personne crée en fait une espèce de moment qui doit gêner, je pense, tu vois, certaines personnes, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que la scène, moi, je l'ai pas trouvée si intéressante que ça. En fait, c'était Max, toi, tu disais qu'elle était intéressante plus pour le côté, ben, changement de point de vue très rapide, le ping-pong entre les entre, deux, entre Mike et Trevor. Juste pour préciser, parce que pendant ce temps Michael en fait il a trahi Trevor, en tout cas Trevor se méfie beaucoup de Michael, et Michael est en train d'expliquer à un mec du FBI que bah, Trevor c'est un risque potentiel, parce que le jour où il va se rendre compte de ça, comme il est très imprévisible, on sait pas comment il va exploser, et bah, il explique voilà, que, à quel point Trevor est un homme dangereux, et pendant qu'il fait ça, ça fait le ping-pong avec les scènes de torture, et en fait on te montre effectivement que c'est pas n'importe qui, quoi. Et ça c'est très cinématographique, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui est utilisé dans le cinéma depuis très longtemps, où quand il y a une voix off, il y a un personnage en voix off qui décrit un autre personnage, et on voit ce personnage en train de faire littéralement ce qu'il est en train de dire. Tu sais, c'est un peu le côté show, don't tell, mais c'est un peu mixé comme les ça. Deux, et t'as les deux en même temps, et ça marche bien en fait, ça permet bien de caractériser Trevor encore une fois. Mais voilà, enfin, il y avait une polémique à l'époque, GTA, il fallait qu'il y ait une polémique, mais finalement, c'est vrai qu'avec le recul, bon, c'était finalement plus anecdotique qu'autre chose. Surtout, comme tu l'as dit, GTA, c'est un jeu violent, et il s'inspire d'un cinéma violent, t'as cité 24, il y a Reservoir Dogs, qui a une scène voilà, emblématique de torture, bon, on est un peu dans ce délire-là, et puis ouais, on sait où on est, quoi. Finalement, avec ces trois personnages, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que là où chaque GTA avait un focus sur un univers du crime, tu vois, donc Vice City, c'était Scarface, Miami, San Andreas, c'était Boys in the Hood, c'était les gangs afro-américain, et puis après GTA 4 c'était tous les immigrés de l'Europe de l'Est. Là ils arrivent à brasser beaucoup plus large, on a vraiment Michael, c'est le braqueur, donc tous ces crimes là on retrouve Franklin, là encore une fois San Andreas, et avec Trevor ils arrivent à explorer un autre truc, et du coup ils font un paysage criminologique, ils arrivent à créer ça patent pending, et ça leur et voilà, ça leur permet de faire un truc bah, de brasser encore plus, et je trouve de voilà, de proposer un panorama encore plus large, de montrer encore une fois leur ambition d'être bah, une espèce de synthèse de plein de trucs du crime et du cinéma qu'ils essaient d'explorer avec leur jeu. Pour revenir un petit peu aussi sur la différence de tonalité dont on parlait avec GTA 4, donc GTA 4 c'était Nico Belli qui était voilà, un tueur de l'Europe de l'Est qui venait aux États-Unis avec le rêve américain parce que son cousin lui a dit ouais t'inquiète on va pouvoir travailler, on va gagner, the girls are great, c'était here. Le Lamar de GTA 4, ouais c'était vraiment ça, Roman, c'était vraiment un boulet de chez boulet, mais voilà, c'était Nico qui se retrouvait finalement encore embrigadé en étant un tueur, parce que c'est ce qu'il est, c'était un tueur, et finalement, les États-Unis étaient un parfait terrain de jeu pour un tueur comme lui, et c'était ça un peu la désillusion, c'était voilà, le rêve américain, c'était plutôt un cauchemar. Et on est en fait vraiment dans le prolongement de cette idée avec GTA V. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment une vision de... Bah, une fois qu'on a la désillusion qui est tombée, qu'on a perdu en fait cette espèce d'innocence ou d'espoir que, que le modèle américain qu'il pourrait nous sauver... Qu'il y aurait une vie meilleure en fait là-bas. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui reste ? Bah, il reste rien. Il reste des choses vraiment très concrètes, tu vois. C'est pas du fromage, c'est juste du pognon. Ouais. Et c'est ça en fait. C'est vraiment... GTA V, c'est une vision assez nihiliste des États-Unis où c'est juste l'argent roi. C'est vraiment... C'est... On fait tout pour du blé, fait tout pour se sortir de notre condition. Peu importe les conséquences. Et encore, c'est même pas se sortir de la condition, parce que t'as effectivement Franklin, mais enfin Michael et non, et lui, Trevor, c'est juste ça juste parce que ça est fun en fait. C'est le Almighty Dollar, et voilà, c'est le truc après lequel on va courir. Hein. Oui, parce que Michael, il n'y a même pas ce propos en mode bah, t'es riche, mais t'es quand même pas heureux, et en fait, c'est la famille, en fait, c'est les racines, en fait, c'est machin, c'est ceci. Non, non, c'est juste, non, j'aime bien tuer, j'aime bien faire des braquages. Comme ça, je gagne de l'argent, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça hein, vraiment que les braquages vont être centraux dans le jeu. C'est vraiment, c'est ça leur poursuite, en fait. Ils courent constamment après l'argent, et finalement, c'est ça la seule vérité, la seule chose qu'il y a dans ce GTA V, c'est que tout ce qui compte, c'est l'argent. Ce qui est un petit peu triste, c'est un petit peu vrai, mais voilà, il y a vraiment ce truc un peu. C'est pour ça qu'ils ont vraiment un ton qui est assez triste, je trouve que c'est pas mal. Parce que GTA V, quand tu prends un peu de recul, tu t'amuses bien quand t'es dedans, mais quand tu regardes ce qu'ils dépeignent, ouais, c'est méga triste, quoi. C'est vraiment une vision d'un monde qui est un peu en fait, crise comme il est aujourd'hui. En fait, GTA 4 était plus triste mais plus explicite, ouais. Alors que là, c'est du fun en fait, mais c'est du fun qui déguise une espèce de réalité beaucoup plus déprimante. Ouais. Juste, tu t'amuses en plein milieu du Titanic, ouais, t'es en train de faire le couillon pendant que le Titanic coule, quoi. Ouais, mais c'est une fois que le cynisme en fait il est passé, qu'est-ce que tu fais? Eux ils décident d'accepter le truc, ça s'améliorera pas, et ils s'éclatent avec quoi. Du fun et on s'en bat les reins, quoi. Et c'est vraiment, c'est pour ça que, et c'est même pour ça qu'il y a un happy ending, tu vois. C'est ça qu'il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas de vraie leçon qui est après derrière. Parce que souvent, dans les films de gangsters, pour avoir quand même un petit truc là-dessus, moi j'aime beaucoup ces films-là, c'est un univers que je connais bien, il y a toujours, à la fin, systématiquement, il y a la punition. C'est très rare qu'ils s'en sortent, tu vois. C'est le fameux Rise and Fall, Scarface, c'est le Rise and Fall, quoi. Et là, il n'y a pas de Rise and Fall, là c'est de Rise and Shine, quoi. Il n'y a pas de soucis, ils sont tranquilles à la fin et ils s'en sortent. Et du coup, c'est vrai qu'ils apportent une vision qui est différente et, comme dit, beaucoup plus nihiliste. Et puis, à côté de ça, il y a ce truc un peu satirique. Et on avait envie un peu d'en parler parce que... Guillemets, oui, voilà, avec les doigts. Vous n'avez pas vu mes air quotes, mais je les ai mis parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de GTA. Waouh, c'est un jeu satirique et tout. Et en fait, on est un peu mitigé sur cette idée-là. Pas tant que ça, en fait. On est même plus ou moins convaincu, je pense, aujourd'hui, à force d'en avoir discuté entre nous, que, alors, certes, le jeu va tourner en dérision à peu près tout ce qui est possible. Tu vois, ça brasse assez large. On va avoir... c'est l'époque, les réseaux sociaux, les gens, ils essayent d'avoir leur vie 2.0, ils se mettent en avant, etc. On va se moquer de Facebook de ça, on va se moquer de Big Pharma, on va se moquer de la télé-réalité avec le fameux fame or shame là dont on parlait avec la fille de... Il y a tout le monde qui en prend pour son grade, en fait. Le FBI, l'armée, la police, en fait. Le psy de Michael qui veut que de l'argent, qui est là que pour en fait, tout l'imaginaire comme ça qui est autour des États-Unis, on le tourne un peu en dérision avec le premier degré de la façon de les tourner en dérision, quoi. Ça va pas extrêmement loin, mais tout est globalement tourné en dérision. C'est des clichés en fait qui sont relativement faciles. En fait, c'est vraiment les trucs de quoi on va se moquer avec des flics. Ils sont gros, ils ont des donuts. Voilà, c'est vraiment, ils en cherchent pas beaucoup plus loin. La CIA, le FBI, ils sont toujours dans des coups fourrés et ils sont en train de se tirer dans les pattes. Les psys, c'est forcément des charlatans qui veulent juste se tirer de l'argent à leurs pauvres patients. Big Pharma va tout faire pour te faire bouffer des pilules de diététiques pendant qu'ils vont te nourrir avec des trucs crado dans les fast-food. Enfin, c'est des trucs, quel que soit le bord politique auquel t'appartiens. Tout le monde est globalement d'accord avec ça. On est globalement dans une vision... en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, GTA V, c'est pas un jeu qui a un message politique. Non. Il se veut pas apolitique, parce qu'il fait pas semblant de ne pas l'être. Il est plus dans une espèce de statu quo, en fait, dans le situation actuelle où on va se moquer un peu de tout le monde. Du coup, on se moque pas vraiment de grand monde, parce que à force de tirer un peu comme ça, tous azimuts, on n'a pas de message. Et c'est pour ça que GTA... Pour moi, c'est encore du nihilisme. Ouais, tu vois, c'est qu'il regarde le monde rien n'a d'importance. De recul, tu vois, un peu détaché des choses, et on tourne un peu tout en dérision. Mais derrière, c'est pas un jeu dont tu sors où tu dis ouais, il m'a dénoncé ça et j'ai compris quelque chose sur c'est pas The Wire, tu vois, où tu sors tu dis putain, j'avais pas compris comment tout ça a fonctionné ensemble, tu vois. Non, c'est pas du, non, c'est non, pas non, du bah tout en plus ça, le jeu, tu vois, il se finit bien, il te récompense quand tu fais le con, etc. Donc de toute façon, depuis toujours, les objectifs ludiques, les enjeux ludiques d'un GTA aller plutôt en opposition de ce message satirique. Ouais. C'est-à-dire que, autant au début des années 2000, une critique comme ça des États-Unis, ça pouvait effectivement marcher. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un contrepoint qui était proposé avec beaucoup d'œuvres. Aujourd'hui, tu vois, 10 ans plus tard, après GTA 3, et enfin même 13 ans après GTA 3, dans GTA 5, il n'y a plus du tout ça. C'est le fun qui prédomine. Ouais, c'est juste, on est dans du fun jeu et on se fait du blé, et le jeu lui-même fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cynisme de la part de Rockstar qui se dit, de toute façon, ça c'est un article que j'ai lu, je crois qu'il est dans la bibio, je sais plus si c'est Killscreen ou Polygon, mais tu vois, il y a une réflexion intéressante sur le fait que le capitalisme a cette capacité de monétiser sa propre critique. Oui, tu vois, de tirer du blé, de se dire, tu critiques le capitalisme, tu dis que c'est mal, ok, nous on va gagner de l'argent avec ça, et tu vois, il y a un cynisme vraiment très profond, très ancré dans ce genre de truc. Oui, t'as plein de messages altermondialistes ou de gauche qui sont financés par des grands labels ou quoi dans les industries culturelles. Hein. C'est quelque chose qui est assez connu. Et de toute façon, nous, le message, c'est pas dire que le jeu il est bête ou il est raté non, ou non, quoi. Non, non, mais non, c'est juste que voilà, sur le côté, effectivement, en fait, il dénonce rien. En fait, vraiment, ouais. Il y a ce côté et c'est pas grave en soi, mais il faudrait pas croire que GTA dénonce quoi que ce soit. De toute façon, il montre personne qui souffre. En fait, il montre que des gens qui s'éclatent. Et nous, en tant que joueurs, globalement, on va s'éclater en jouant à GTA. Et c'est un jeu qui est là pour le fun et c'est tout en fait. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est plus que si vous voulez, dans nos sphères, je pense que dans les gens qui parlent de jeux vidéo, il y a quand même ce discours un peu ambiant que GTA, c'est plus que ce qu'on veut bien y croire. Je suis pas tellement d'accord. Et a fortiori, maintenant qu'on sait que une grosse partie de leur image de marque de départ a été un truc complètement orchestré. Pour moi, tu vois, c'est juste, il y a une certaine cynisme, il y avait une certaine compréhension, tu vois, des codes de l'industrie culturelle, de qu'est-ce qu'on peut faire pour être connu et faire du bise. Et en fait, ils continuent de faire ça aujourd'hui. En fait, ils sont juste positionnés un peu sur ce ton-là. Et en plus, surtout, de toute façon, tu peux pas faire un jeu qui se vend à 170 millions et être vraiment subversif, genre waouh, c'est un truc qui a un message. Non, tu vois, c'est un truc fun, tu vois. Ouais, c'est le produit de ce qu'ils avec peuvent. Avec des rumeurs de GTA 6, il n'y a rien d'officiel, hein, juste des rumeurs comme quoi on en jouerait peut-être un personnage féminin, on jouerait une femme pour la première fois dans GTA, c'est déjà la merde sur Internet. Donc on se doute bien que GTA, en tant qu'œuvre culturelle, de toute façon, est aussi un petit peu bloqué. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais il y a une pression, on va dire, de l'opinion publique sur ce qu'ils vont pouvoir dire ou pas. Donc en fait, ils sont subversifs dans une certaine mesure, tant que ça l'est pas trop, tant qu'on l'est pas trop, ça passe. Donc voilà, mais c'était juste pour revenir sur ce truc un peu satirique, parce que je trouve qu'on en fait trop par rapport à ce qu'est vraiment GTA et en fait par rapport à ce que le jeu vous raconte vraiment. Et le 5 tout particulièrement, on ne cherche pas du tout à aller dans ce sens-là. Voilà. Autant avec le 4, il y avait des discours derrière. Ça n'empêche pas d'être drôle, hein. C'est pas que ça soit pas drôle ou que ça soit pas. Il y a une légèreté et tout et un bon délire qui naît du truc et ça, c'est vrai, mais t'en sors pas en disant putain, ils sont super, vous avez vu des trucs que moi j'avais pas vu, les gars. Tu vas pas voter pour Rockstar aux prochaines présidentielles, quoi. Non. Par contre, truc qui est vraiment réussi, encore une fois, c'est pour ça qu'il est drôle, c'est l'écriture. Je trouve que moi, les dialogues et les personnages qu'ils arrivent à façonner, ça, ils sont vraiment forts. Ils ont toujours été forts pour faire vraiment des bonnes enflures, tu sais, de cinéma, des mecs qu'on n'aime pas, mais qu'on aime ne pas aimer. Ouais. Et ça, ils y arrivent tout le temps avec les persos qu'on joue, mais aussi avec tous les persos qu'on croise. Enfin, genre Lamar, c'est vraiment un bolos. Et pourtant, à chaque fois que tu vois arriver, tu te dis, ça va être, on va faire un truc qui est rigolo parce qu'il va se passer. C'est claquette chaussette, là, il arrive. mais il y a même pas que ça, tu vois, c'est même dans les émissions de radio, les trucs que tu vas entendre pendant que tu es en bagnole, etc. Tu sens que ce côté un peu humoristique, ils vont réussir à le maintenir sur absolument tout ce qu'ils écrivent. Ouais. Vraiment, tu vas entendre une espèce de talk show sur une des dizaines de chaînes de radio de ta bagnole, et tu vas avoir un petit talk show qui va avoir un petit côté un peu acide, un petit peu acerbe sur un. Tu vois, il va aller sniper un petit aspect particulier, et à ce moment-là, ça va te faire rigoler parce que tu es dans cette ambiance, en fait. Tout comme le monde et tout est un peu tourné en dérision, ça marche à fond, le décalage qu'ils créent avec ça. Je trouve qu'ils ont un bon équilibre, en fait, parce qu'il y a un truc, encore une fois, vachement paradoxal entre la violence potentielle dans le monde et l'espèce de truc un peu réaliste, c'est une simulation, etc. Et pourtant, ils arrivent à faire tenir ça, justement, avec cette tonalité. Et j'en reviens sur les personnages qui sont des ordures, mais t'as un mec du FBI et t'as l'espèce, je sais plus ce que c'est, mais c'est une espèce de milliardaire qui trempe un peu dans différentes affaires aussi. Et pareil, c'est des mecs qui sont insupportables et... Mais je pense que ça fait partie de la recette qui fait que ça marche, parce que c'est des mecs que tu détestes mais qui sont vraiment en impunité parce qu'ils ont vraiment du pouvoir sur toi et tu dois faire des missions pour eux, donc ça justifie aussi pourquoi tu fais ce que tu fais dans le jeu, et c'est peut-être ça un des éléments de la recette Rockstar aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le côté équilibre, il faut insister là-dessus, c'est très difficile de maintenir ça. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres jeux qui arrivent. C'est-à-dire que d'autres, dans les GTA-like, d'autres ont pris en fait d'autres directions parce qu'ils n'arrivaient pas forcément. C'est peut-être parce qu'ils ne voulaient pas. Ils sont dans le truc trop délire. Ouais. Et du coup, ça part parce qu'on part dans des délires où ils se disent on va faire une épée, c'est un godmiché géant et on va taper avec les gens avec ça. Et au bout d'un moment, ils ne savent même plus quoi raconter en fait. Et tu avais Mafia par exemple qui était beaucoup plus sérieux, très sérieux. Là, il fallait respecter le feu, sinon il y avait la police qui te courait dessus. C'était pas différent. Et GTA, ils arrivent à trouver un peu cet équilibre qui fait que t'as quand même cette impression de subversion dans ta façon de te comporter dans le monde et de braver un peu l'interdit, et qui est un peu essentiel, je pense, à GTA. Et ça, ils arrivent à le trouver dans leur tonalité. Et encore une fois, c'est le fun et le chapeau et le truc qui dicte tout. Alors, on a parlé de, vraiment de cette tonalité du jeu, de l'histoire, voilà, de ce que le jeu raconte, donc pas grand-chose, hein, puisque c'est un jeu assez nihiliste. On va rentrer un petit peu plus dans le gameplay, voilà, qu'est-ce que c'est GTA, et je pense qu'on va peut-être pas passer trop de temps dessus, parce que finalement, ce GTA V, eh ben, c'est le prolongement d'une formule qui a été établie vraiment avec GTA 3, en tout cas dans sa version 3D, et qui est poussée avec les ressources et les moyens bah, de l'époque, quoi. Donc, il y a cet open world, évidemment, on l'a dit, c'est la base, c'est le truc, voilà, ultra détaillé et tout, cette ville avec ses différents quartiers, cette version remixée de la Californie, qui est, je pense, toujours aujourd'hui assez plaisante à parcourir, qui est toujours réussie, et surtout, encore une fois, qu'il n'y a pas tant de concurrence, en fait, il n'y en a pas eu tant que ça, il y a eu des Watch Dogs, il y a eu des trucs comme ça, mais... Il y a eu une période où il y avait des GTA-like qui voulaient arriver, alors il y en a très peu qu'on... Je pense qu'effectivement, Saints Row fait partie des rares qui a à peu près fonctionné, t'as cité Mafia, il y a Watch Dogs aussi chez Ubisoft, mais c'est vrai que les open world urbains, bah, il n'y en a pas tant que ça. Ce délire de te projeter dans une grande ville, là, c'est carrément limite un état en entier, tu vas pouvoir t'y balader et te faire un petit peu ta petite vie à l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui fait ça. Et moi, ce que j'aime bien avec cet open world, c'est qu'on n'est pas du tout dans les formules habituelles. Tu sais, il y a des grandes familles d'open world, hein, y a les open world, là, Breath of the Wild, Elden Ring, où c'est plus, tu vois, on est dans l'émerveillement, on va découvrir des trucs, etc. T'as les trucs très organisés, très codifiés façon Ubisoft, avec des petites activités, des tours, des camps de bandits. Le camp de bandits, voilà, il y a ça. Les collectibles, etc. Et GTA, en fait, depuis le début, ils ont leur formule à eux. Tu vois, il y a des collectibles, il y avait ces putains de pigeons dans GTA 4, etc. Il y avait des trucs un peu stupides. Mais t'as aussi tout un tas d'autres trucs. Et je sais que moi, par exemple, tu vois, mon expérience de GTA 5, ça a été pendant très longtemps de faire de Michael un professionnel du golf. J'ai passé. J'adore le golf et j'adore les jeux de golf en général. Et là, leur jeu de golf, il est cool, tu vois. Et t'as toutes ces petites activités annexes, en fait, qui sont intégrées à la ville, mais qui sont pas des activités annexes de jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des activités à base de. Il y a un camp de bandits, il faut aller tuer les brigands, les machins, les bidules. C'est plus des trucs qui sont intégrés à la vie, on va dire, à la vie fantasmée de Los Santos, et ça marche à fond, quoi. Ouais, puis ce qui est cool, c'est encore une fois par rapport à un Ubisoft ou même à un Elden Ring, tu vois, c'est qu'il n'y a pas ce côté systématique de dire cette zone, je sais que je vais trouver ci, ça et ça, tu vois. Et c'est vraiment, c'est la ville en fait. C'est avant tout une ville et qui doit avoir l'air d'une ville, pas forcément qu'à l'air d'un terrain de jeu vidéo, un peu façon comme ça, Ubisoft et tout, où on retrouve à chaque fois les mêmes choses. Donc ils ont un open world qui est assez spécifique. C'est une formule à eux. Ouais, c'est vraiment. Ouais, ils ont leur façon de faire. Du GTA-like, finalement, quand on regarde les open world plus récents et plus populaires qu'on a vu avec les autres années, c'est pas vraiment tant comme GTA. De toute façon, oui, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, parce que, comme dit, ils vont s'inspirer du cinéma, en tout cas de l'image simplifiée qu'on a de ça. Et oui, quand tu te balades, t'as des flashs de séries ou de films qui vont te venir en tête. Il y a quelques petits soucis du détail aussi. C'est toujours plaisant de voir que les véhicules correspondent globalement au niveau de vie dans lequel t'es. Donc, comme disait un peu côté white trash, c'est plus des pick-up, comment ça s'appelle, des quads, t'as ce genre de véhicule ou des trucs avec des pneus énormes aussi parfois, et dès que tu te rapproches un petit peu des beaux quartiers, là c'est là que c'est bon, que tu sais plus quelle voiture tu veux voler, t'as envie de t'arrêter tous les 10 mètres. Des féfés, des lambeaux, des machins, tout ce qu'il faut. Et puis après, quand t'es plus vers un peu style Compton, là où il y a Franklin, tu vas retrouver les Cadillac un peu iconiques du rap US de la West Coast, où il y avait les Lowrider, enfin bref, évidemment ça me parle, mais puisqu'on parle des... Si vous croisez un lowrider à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de lowrider à Strasbourg, effectivement. Mais puisqu'on parle des bagnoles, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect conduite, en fait, parce que ça aussi, ça a toujours été fondamental, en fait, dans GTA, c'est un jeu où on conduit beaucoup. La conduite qui est assez plaisante, c'est vrai que je sais que dans Vice City et tout, ça a été compliqué, mais je trouve que là, sur 5 épisodes, franchement, elle est assez clean, la conduite, c'est assez propre, surtout qu'il y a Franklin, là, qui a son espèce de pouvoir, où là, tu peux ralentir le temps, et du coup, la voiture, les pneus, ils adhèrent vachement. Il y a un truc circulaire au milieu de la voiture qui te permet de pivoter comme ça. Vraiment, si t'es en plein dérapage et que t'arrêtes le temps, ça va s'arrêter de déraper en fait. Donc il y a vraiment un double pouvoir et la conduite est plus agréable comme ça. Et donc c'est vrai que c'est une ville qui est plaisante aussi à parcourir, à rouler à tombeau ouvert parce que les rues sont larges, t'as la place et tout pour vraiment kiffer des moments. Et puis puisqu'on parle de la conduite, on peut peut-être parler aussi un peu des radios. C'est vrai qu'il y a aussi ce plaisir-là de simplement switcher entre toutes les radios parce qu'il y a une sélection musicale qui est quand même assez dingos, ils ont toujours fait un travail de ouf là-dessus. Je crois qu'il y a à peu près 450 musiques, tu vois, un truc comme ça. Avec des radios, des styles différents. Et... C'est ça. Ce qui est cool, c'est que t'as vraiment ce truc des radios, tu vois, c'est devenu un petit peu un signe de jeu vidéo, parce que tu retrouves ça dans les Burnout, tu vas retrouver ça dans les Need for Speed, tu vas retrouver ça dans plein d'autres open world, et c'est vrai que GTA a un peu lancé ce truc-là, et moi, ce que j'adore, c'est qu'ils vont vraiment, au-delà de la musique seule, ils proposent des moments où tu vas avoir des flash infos, tu vas avoir des fausses publicités, ils ont vraiment essayé de recréer, en fait, fait cette espèce d'expérience de je passe ma journée dans la bagnole, qu'est-ce que je vais écouter de temps en temps, j'ai envie de zapper entre telle ou telle chanson. Et puis il y a des hosts, quoi. Il y a des personnes, vraiment, ils présentent des émissions, ils vont changer, ils vont être là entre de quelques morceaux. Donc il y a une espèce de des radios fictives qui sont à l'intérieur, et les sélections musicales sont vachement cool. Enfin, c'est toujours stylé de se replonger. Bon, moi j'écoutais surtout les trucs un peu rap, mais même électro rock, il y avait vraiment une sélection qui était vraiment chouette, quoi. Et ça caractérise aussi les personnages que t'incarnes, parce qu'ils ont chacun leur véhicule, alors de base, en plus de ceux que tu voles, et à chaque fois que t'en prends, genre, il a sa radio en fait. Genre Michael, c'est plus du rock pop, Trevor, ça va être rock hard rock, et Franklin, c'est rap gangsta. Ouais. Et sachant que tu peux le choisir, c'est à dire que du coup, on retrouve aussi ce petit côté simulation de vie entre guillemets, où tu vas te créer ton expérience et tu vas retrouver, tu vois, ton Trevor avec sa voiture, son machin. Tu peux même t'amuser parce que tu peux aller beaucoup plus loin, c'est à dire que tu peux soit coller à l'archétype qu'on te file de base, ou tu peux complètement les transformer, tu vois, tous les habiller avec des freins complètement improbables qui vont écouter de la techno à longueur de journée, etc. Ouais, je sais que moi je m'étais tapé un gros délire à un moment où ils avaient tous des voitures jaunes fluo, tu vois. Enfin, vraiment, il y a ce côté où tu peux faire n'importe quoi et le jet de Lamborghini verte. Mais voilà, tu peux t'abuser en fait, tu vois, te créer ton petit délire, et ça fait partie vraiment de cette formule GTA qui est là depuis maintenant un tas d'années, quoi. Et par contre, tout se passe bien s'il a conduit ça, mais moi perso, je trouve qu'ils abusent un peu juste en termes de quantité de conduite. Parfois, t'as vraiment des missions, ça consiste à faire 5 km, dans le jeu, c'est assez loin, 5 km. Tu fais 5 km, puis tu vas juste avoir un petit dialogue, et puis tu vas devoir repartir, refaire des trucs. Et si t'es pas dans un mood de conduite, il y a moins que ça se passe mal, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup, par contre. Bah, c'est vrai que c'est ça, ils reposent vraiment leur mission sur leur core gameplay, c'est-à-dire que voilà, il y a la ville, on est en bagnole, ou alors on va tirer sur des trucs globalement avec la formule TPS, et finalement, c'est là-dessus que se base tout. Il n'y a pas jeu, de déplacement rapide, parce que tu vois, on citait Open World Urbain. Il n'y a pas de déplacement rapide, hein, c'est pas fou, à ma connaissance, pas. En tout cas, j'en ai pas vu. Tu peux prendre un taxi. Ouais, voilà. Parce que, en fait, ce qui disait aussi d'intéressant, c'est que justement, tu sais, les trois personnages, ça leur permettait aussi de switcher facilement. Donc, dire parfois, tu sais, tu dis, oh, j'en ai un peu marre de ce perso et je veux aller ailleurs. Ouais. Hop, bim, t'allais directement chez Trevor, et finalement, ça te fait une sorte de voyage rapide, mais pour toi, dans mon souvenir, on peut se téléporter à certains endroits, tu vois, ta bagnole, ta maison notamment, tu peux repartir. Enfin, j'ai pas trop peur, mais bon, après, j'ai des images de GTA 4 qui se mélangent aussi. Donc, j'ai pas vu. De toute façon, en fait, t'as quand même des missions qui sont pour chaque perso. Et puis t'es obligé de conduire pendant l'émission, on te demande de conduire. Oui, ça, de toute façon, en conduite, t'en auras forcément beaucoup. Mais sinon, je cite ce que je préchote aussi Quentin, parce que t'as Cyberpunk 2077 qui est aussi open world urbain, qu'on peut citer, mais lui, il a du déplacement rapide. Après, il est quand même sur un terrain de jeu qui est aussi assez large. Et puis, il y a le TPS, on va peut-être pas revenir beaucoup dessus, vraiment, c'est du TPS extrêmement classique. C'est pas extrêmement bien, mais enfin, c'est pas extrêmement nul non plus. Enfin, ça fonctionne en fait. Pour moi, le gameplay de GTA, c'est un peu un truc qu'on avait déjà, enfin, qui est exacerbé dans Red Dead 2. J'en avais beaucoup parlé parce que moi, ça m'avait vraiment insupporté. C'est-à-dire que c'est pas bien le gameplay. Je le trouve pas bien, le gameplay de GTA, mais tu vas prendre ton plaisir ailleurs. Tu vas retrouver vraiment une expérience amusante et plaisante parce qu'il se passe d'autres trucs. C'est pas parce que ça va shooter, que ça va bien répondre ou la conduite. Bon, ils ont vraiment fait des efforts, donc ça se passe mieux quand même. Mais c'est plus pour tout le reste, en fait, tu vois, c'est plus le fait que, justement, on parlait de la ville, le fait que tu vas petit à petit apprendre à la connaître, tu vas découvrir des raccourcis, donc tu vas vraiment t'approprier les lieux et tu vas pouvoir t'y balader beaucoup plus facilement. Moi, c'est plus avec ce genre de truc, tu vois, que je m'amuse que vraiment le core gameplay qui, en lui-même, a toujours été sympa sans plus. C'est-à-dire que ça fait le job, mais il n'y a après rien, il n'y a rien d'incroyable. Mais au moins, ils ont, entre guillemets, l'élégance de ne pas faire des trucs interminables, parce que ça, c'est un truc que tu as dans des jeux, un petit peu avant, mais je pense à Uncharted 2 ou Mass Effect 2 aussi, donc des cover shooters, mais plus là on est plus vers le début entre guillemets de la grosse cover shooter mania. Les combats sont trop longs, tu vois, dans les deux jeux que j'ai cités. GTA 5, ça va, je trouve c'est pas trop, c'est beaucoup moins long. Bah, t'allumes vite les mecs, enfin, c'est ça. Ouais, ils meurent très vite. T'allumes les trucs, et puis surtout si tu mets la visée, l'aide à la visée. C'est ce que j'allais dire, t'as l'aide à la visée, comme dans Red Dead, tu peux enchaîner les têtes. C'est vrai que j'aime pas jouer avec ça parce que je trouve que ça, là pour moi, ça tue vraiment trop le jeu. Même si le jeu est pas ouf, le fait de faire claque L2, R2, L2, R2, L2, R2, ça me saoule vraiment. On peut peut-être d'ailleurs sur le fait qu'il y a des trucs qui sont encore un peu archaïques aussi, on en parlait pas mal parce que Max, du coup, t'as découvert le jeu, t'as eu des problèmes pour garer ton hélicoptère, Maxime. Non, mais il y a un gros paradoxe, en fait, dans le jeu, où il va beaucoup imiter le cinéma, et il veut une certaine fluidité, et il te demande d'être ultra précis dans certains trucs, et tu sais, il y avait une blague qui est assez connue, un peu, tu sais, on disait, oh là là, je sais pas si vous avez remarqué, dans les films, on voit jamais James Bond faire son créneau, et là, il te demande de le faire, en fait, de te garer pile à cet endroit. Il y avait un truc ridicule où t'as un endroit, c'est une espèce de, je sais pas, peut-être une piscine vide, un truc comme ça, où tu dois poser ton hélico. Je suis dedans, mais je suis un mètre en fait trop à côté et du coup pas dans la petite zone que eux ils ont choisi mais en fait je suis quand même pile au bon endroit qui fait vraiment j'exagère pas il fait 10 mètres sur 5 c'est pas très grand tu vois pour un hélico donc il y a pas une grande marge de manœuvre et en fait non j'étais pas au bon endroit ou t'as un truc un moment je fais la mission où avec un avion faut prendre un sous-marin faut accrocher et le crochet putain faut bien le mettre dans la... moi je voyais parce qu'il y a quand même le moteur physique tu sais le crochet tapé tu vois le toit ça glissait sur le toit ça passait à côté et t'sais, mais pourquoi en fait vous ruinez vraiment la mission avec en fait, ça. Ils aiment bien casser le rythme avec ce genre de truc. Et c'est dommage, tu vois, parce que tu dis, bah en fait, mettez un foutu aimant, mettez une zone pour pouvoir se garer qui est beaucoup plus grande pour déclencher la mission, parce que c'est pas ça qui est intéressant. Ridicule. Mais c'est ceux qui te font recommencer, et des fois, super, pour des conneries, moi, le nombre de fois où, tu sais, t'as, je sais pas, le nombre de fois où j'ai écrasé Trevor ou Mike en reculant, parce que tu sais, t'as ta bagnole, tu t'es garé. Ils ont la bonne idée de passer derrière. Et oui, ils veulent passer derrière. Toi, t'as la voiture qui te dit, elle va bientôt disparaître, parce que tu sais, t'as toujours une distance quand tu dois poursuivre une bagnole. Au-delà de laquelle tu vas la perdre et tu dois recommencer la mission, c'est chiant. Donc moi je veux me mettre dans la bonne direction et j'ai roulé sur Trevor, tu vois, je lui ai arraché la moitié de la jambe. Bon, c'est Trevor, il aurait pu survivre, je sais pas, il pourrait faire un effort, mais non, Trevor est mort, tu recommences et tu reviens en arrière. Wasted. Le petit ralenti là de Ouais, avec le fameux truc. Bon, et ça c'est truc frustrant, ce qui est assez intéressant, enfin entre guillemets, c'est que ça a toujours été là. Et nous, ce qu'on se disait quand on a préparé l'épisode, c'est qu'on a l'impression que les gens de chez Rockstar, ils sont tellement occupés à bosser sur leur jeu qu'ils ont pas joué à d'autres jeux vidéo. T'as l'impression qu'ils sont en vase clos. Ils checkent pas que les autres, ah ouais, on est passé à autre chose là-dessus. Non, pas du tout. Ils gardent des trucs frustrants, tu vois, des tutos qui vont se mettre en plein milieu de l'écran pendant que t'es en train de rouler. T'es en train de conduire, t'as les dialogues en bas qui sont écrits en tout petit. Et en plus de ça, t'as un tuto qui te dit, alors si vous appuyez sur 4 touches en même temps, il va se passer un truc. T'es là. En plus, tu sais, comme il y a plein de véhicules, il y a plein de schémas de conduite et tout. Moi, je me souviens vraiment sur GTA V d'avoir galéré. Tu sais, la première fois que je prends un avion, j'avais oublié qu'il fallait sortir les roues pour pouvoir atterrir. Et tu t'as un bouton spécial pour ça. Il y a un bouton pour sortir les roues, quoi. Donc ils se sont dit, bon bah, effectivement, c'est rigolo, mais moi, j'avais oublié. Je fais putain, mais pourquoi j'y arrive pas? Tu sais, ça m'était tout le temps échec parce que j'oubliais de sortir les roues. Voilà. Et en plus, ces checkpoints, ils sont assez chiants parce que la première fois que tu conduis un avion, c'est avec Trevor. Et en fait, la piste d'atterrissage, elle est assez petite. Moi, j'ai foiré deux fois et tu te retapes, mais 5 minutes et juste. C'est juste de l'avion, c'est chiant, tu vois. Et t'as le dialogue que tu peux pas resqueezer, c'est-à-dire que tu le réentends, tu vois. Quand si t'as des fois des moments où tu vas avoir la marque qui va pendant 5 minutes, on est en 2013, mais déjà en 2013, en fait, il y avait des trucs déjà qui sont un peu archaïques, un peu anciens et tout, et qu'on a tendance à oublier parce que voilà, c'est pas ce qui reste du jeu, et d'ailleurs, on va y passer juste après. Mais voilà, il y a plein de petites choses encore qui font que bon, c'est pas non plus. C'est plus pour relever, tu vois, ces espèces de petites crispations, de petites frictions qui font que le gameplay n'est pas aussi fluide que ce qu'il pourrait faire et qui semble parfois même en décalage par rapport à la qualité de ce qu'ils arrivent à nous proposer. On l'a dit dans les dialogues, dans les mises en scène, on va parler des missions, des trucs comme ça juste après. Ils ont des trucs qui sont extrêmement réussis et ils ont toujours ces aspects là qui depuis longtemps, parce que dans GTA 3 c'était le cas, Vice City, et c'est dans Red Dead 2, c'est toujours et c'était aussi vrai, c'est encore plus exacerbé dans Red Dead 2 malheureusement, mais tu te dis, ben est-ce que justement ils ont conscience que le jeu vidéo continue d'évoluer? Alors est-ce que c'est ça qui leur permet, est-ce que cette espèce de, tu vois, de prise de distance avec le reste ça du leur jeu permet vidéo pas faire justement comme les autres et de dire il y a peut-être bah, un côté fait, un équilibre à trouver entre on copie les autres mais pas trop. Tu vois, je sais qu'avec GTA 4 ils avaient rajouté le fait qu'on pouvait se mettre à couverture. Il était temps c'était ça changeait un petit peu le rythme des fusillades, etc. mais voilà, il y a pas des grosses influences d'autres jeux, même mais si en 2013 tu vois ils ont leur traîne, truc quoi. À eux, ouais, c'est ça, ils continuent de se traîner quelques petits trucs comme ça. Mais là où le jeu brille peut-être le plus, c'est du coup les fameux braquages. On peut revenir rapidement sur ces passages là. Bon voilà, le braquage au cinéma, c'est vraiment un truc hyper c'est vraiment une des imageries du cinéma américain, des crime movies. Enfin voilà, faire un braquage, il y a mille façons de le mettre en scène, à part entière, les heist c'est movies, ça, t'as les heist movies qui sont vraiment littéralement autour du braquage, mais aussi t'as plein de films qui intègrent un braquage à un moment. Ça va être un moment de tension, de climax, un moment où on va faire un plan et où ce plan évidemment ne va pas se dérouler tout à fait comme prévu, parce que sinon c'est pas du cinéma, c'est pas rigolo. Et voilà, c'est une influence hyper importante sur GTA. Parce que d'un point de vue cinématographique, c'est vachement intéressant. Comme tu disais, enfin, t'as le plan, genre, qui a quel rôle? Donc déjà, en termes de personnage, de caractérisation, quel est l'endroit? Est-ce que c'est une banque? Est-ce que c'est un casino? Est-ce que tu as volé des lingots d'or, une œuvre d'art? Est-ce que c'est quelqu'un et tu récupères? Voilà, enfin, il y a plein de façons de braquer différemment. Après, c'est ça, t'as toute la foule, en fait, comment tu gères la foule? Enfin, est-ce qu'ils vont tirer en l'air, mettre les gens à terre? Est-ce qu'ils vont les regrouper dans un endroit? Est-ce que tu prends des otages? Une fois que t'as des otages, est-ce que tu sors avec? Est-ce que t'appelles un véhicule? Quel véhicule? Comment tu t'en sors? En fait, t'as 1000 scénarios possibles à partir d'un simple braquage. Et c'est un truc qui était même dans le western, tu vois, t'avais les braquages de banque, de diligence, de train. Enfin, c'est un truc qui est iconique, fait partie de la culture américaine. américaine et du genre du cinéma. Et je sais pas dans quelle mesure, tu vois, parce que c'est tellement ancré désormais. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que, en gros, pendant longtemps, les États-Unis, c'était ça. C'était des gens qui vivaient, tu sais, et à un moment, à tout moment, il y avait quelqu'un qui allait avoir jeté un tronc en plein milieu d'une voie ferrée et ils allaient arrêter leur train et ils allaient perdre leur truc. Tu sais, t'as cette imagerie, justement, des États-Unis quand on n'est pas américain. Et je trouve que c'est ça qu'ils arrivent à bien retranscrire, en fait, dans leur jeu. C'est qu'ils ont aussi cette, tu vois, ils ont récupéré tout ce soft power et ils l'ont balancé dans le jeu avec tout ce que ça a parfois de débile. Et les braquages, bah, c'est devenu un truc vraiment central. Mais même, par contre, d'un point de vue plus réaliste, tu vois, j'y pensais quand on en parlait, le FBI a été créé, justement, John Edgar Hoover a réussi à convaincre le gouvernement américain de constituer comme ça une agence inter-État pour pouvoir arrêter John Dillinger et les braquages de banque. Dans des États voilà. différents, et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à l'attraper. Les braquages étaient très impressionnants, voilà. Tu vois, il y avait... Et même en France, on a eu la French Connection, on a eu... French Connection, c'est de la drogue, mais ouais. Ouais, on était plus sur des trucs le mafieux. Le gang des Lyonnais. Voilà, non, mais il y a eu des trucs, tu vois, de gangs, de grands banditismes, Jacques en fait. Jacques Mérine. Voilà, Mérine, effectivement. Enfin, tu vois, il y a toujours, dans l'histoire populaire, il y a ces personnages, tu vois, de braqueurs, de gens criminels qui ont été romancés. Ouais, exactement. Et le braquage, en fait, je trouve, bah voilà, c'est un outil narratif, scénaristique, de mise en scène qui est trop bien. On peut faire des trucs super fun avec. Et bah, GTA V, c'est vraiment ce qu'il fait. Là, déjà, il y a ce côté, les trois persos, bah, ils vont avoir cette espèce de complémentarité avec différents rôles, mais aussi bah, différentes perspectives. Ça, c'est quand même vraiment... Ça, c'est un des trucs que GTA V fait vraiment bien. C'est ces moments où on change de perspective en pleine mission. On est en train de tirer avec des gus, avec, je sais pas, Franklin, et d'un coup, slash, ça change, et on est en bagnole avec un autre, ou alors il y en a un qui est dans un hélicoptère en train de tirer au snipe. Et en fait, bah, ça permet d'avoir... comme au cinéma, une espèce de montage, de cut, de différentes perspectives sur une même temporalité qui est vachement intéressante et qui crée des missions super dynamiques. Bah, c'est ça, tu prends les meilleurs moments sans avoir à te déplacer, parce que t'as la temporalité du jeu vidéo, si t'incarnes une personne, bah, entre l'hélico, l'immeuble, machin, faut te taper les escaliers, tu vois, par exemple. Et là, bah non, c'est bon, chacun est à son poste et tu vas alterner. Et bah, moi, j'ai... Enfin, oui, je l'ai pas dit jusque-là, mais moi, j'ai découvert, du coup, GTA V, alors je connaissais, mais je l'ai pas fait à l'époque, et je l'ai fait là, en 2022. Bah, ça marche toujours super bien, en fait. Ouais. C'est toujours vraiment cool de faire ça. Et puis, bah, ils vont aller justement piocher dans le cinéma pour... voilà, ils piquent vraiment les meilleures idées. Toi, Max, t'as repéré plein de rêves. J'ai vu une vidéo, hein, de toute façon, ouais. On sera aussi dans la biblio, mais il y a des missions, en fait, vraiment texto, c'est des scènes de braquage de tel ou tel film. Il y a notamment The Italian Job, que nous, on appelait alors braquage à l'italienne dans la version 2003, mais il y a eu le film de 1969 qui s'appelle L'Orsebert. L'Orsebert. Je le fais avec l'accent un peu, on va dire, français, de un petit peu de l'époque. T'as plein de choses, tu vois, les voitures qui sont dans un tunnel et rentrent dans des camions pour se dissimuler, bah, c'est dans ça, ou quand ils modifient les feux rouges, les feux de circulation, mais t'as Die Hard 3, t'as Heat, tu peux avoir du flic de Beverly Hills, parce que, comme on l'a dit, en fait, les scènes de braquage, ça fait partie de l'histoire du cinéma, c'est un sous-genre du cinéma, donc ils ont tout un vivier, en fait, qu'ils peuvent reprendre, et ils te font jouer. Le fantasme, c'est, bah, tu vas jouer cette scène de cinéma dans le jeu, et en plus de ça, tu vas pouvoir switcher entre différentes. Et en plus, vraiment, pour une même mission, ils vont aller piocher dans plusieurs films. En fait, vraiment, ok, c'est la bijouterie de tel film, et ils repartent de la façon de tel film, et quand ils sont arrivés, c'était tel film. Et voilà, c'est une espèce de gros mixage comme ça, encore une fois, une espèce de remontage du fantasme du braquage comme ça, un peu américain. Et ça y est, ils te mettent tout ça. Et en fait, ça fait des missions qui sont super bien rythmées, avec lesquelles tu vas alterner vraiment entre conduite, des tirs. Il y a cette tension aussi de s'en sortir avec la police. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, les fameuses 5 étoiles. Voilà, à la fin de la mission, en général, t'as les flics au cul, et ça y est, va falloir que tu joues avec tout ce système de police qui est toujours, qui fait vraiment partie de l'identité de GTA et qui marche bien. Hein. Le design est sympa, c'est assez fun d'essayer de sortir du pétrin de la police. Et parfois, tu vas, je sais qu'il y a une mission où t'es avec un gros camion justement qui est un peu blindé. Ou peut-être c'est dans le 4, je sais plus. T'as une mission dans le 4 où t'as un camion blindé. T'as je pense un gros que camion c'est blindé, ouais, et ouais. Tu dois te dépêtrer de la police, tu vas vraiment pas vite, mais par contre, t'es difficile à arrêter. À chaque fois que t'as des barres, voilà, c'est tout droit. Tu es défoncé. Ouais, ouais. Si, t'as la mission de la bijouterie où à la fin il s'échappe en moto dans des tunnels, et d'ailleurs c'est dans Braquage à l'italienne. Et par contre, il y a un moment où bah, les flics te poursuivent, et là t'as Michael qui débarque du coup, en camion blindé. Ça fait un peu Terminator 2 d'ailleurs, parce que t'es dans les espèces. Ouais, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, mais. C'est les canalisations là, les gros endroits avec où sont des ponts, versets des sortes de tunnels et sont tout. Vidés, ouais. Ouais, et tu défonces les bagnoles de flics, justement, tu piles les motos qui sont attaquées par les flics, bah hop, tu dégages les des voitures de flics en leur fonçant dessus. Ouais. Et ça, c'est kiffant parce que sur le sound design et tout, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. T'as les les pas, tu descends, t'as la musique qui est derrière. En plus, ils ont la bande-son, tu sais, en général, ils envoient du lourd à ce moment-là. Les compos sont cool. Ouais. Et c'est des vrais moments d'adrénaline qui arrivent, je trouve, à vachement capturer ce truc de braquage. Quoi. Et ce qui est top, c'est que tout ça marche très très bien parce que le core design global, on est toujours dans une simulation urbaine de gangsters, etc. Et donc, réussir ton braquage, tu vois, c'est vraiment des moments de climax énorme parce que derrière, ton gain, il est. Enfin, tu vois, tu te barres avec tellement d'argent, tu vas d'un coup pouvoir te refaire tout ton stock d'armes, acheter des nouveaux trucs, acheter une nouvelle bagnole, acheter une nouvelle baraque. Donc, tu vas pouvoir te remettre dans ce délire de simulation avec un pécule qui a explosé grâce à cette mission qui est top. Donc, tu as vraiment, tu vois, le payoff est vraiment bien foutu dans ce jeu-là, je trouve. Et puis voilà, il y a une bijouterie, il y a un moment où ils vont dans un fort là où ils récupèrent des lingots, il y en a un où c'est un mec du FBI qu'il faut récupérer, ou c'est des documents qu'il faut récupérer. Oui, en tout cas, il y a un mec aussi qui est en train de se faire interroger de façon musclée par, je crois, c'est le FBI, et tu descends de l'hélicoptère en rappel pendant que Franklin est sur le toit avec un snipe, et voilà, tu le rechopes en rappel, et ça d'ailleurs, assez texto, c'est une scène de l'agence touriste, le film de 2010, voilà, pour info. Puis il y a cette mission aussi où ils ont des méga armures, il y a un moment où ils ont des espèces de grosses armures où ils sortent de la banque, ils sont imbattables parce qu'ils ont des mitrailleuses lourdes et des espèces de scaphandres comme ça, c'était trop drôle. Et même le setting est rigolo parce que en fait, c'est une petite banque, tu vois, qui paye pas de mine, et en fait, ils repèrent, je sais plus comment, mais ils repèrent, il y a un truc qui va pas, c'est genre ils activent l'alarme, et genre en 30 secondes, les flics sont là, et en fait, ils tiltent que genre tous les flics du coin, ils ont leur argent dedans. Ouais, c'est ça, il y a un truc. L'argent, parce que c'est des ripoux, enfin, ils ont tout leur argent des coups, du coup, il doit y avoir des millions et des millions dedans, et du coup, ils savent que les flics seront là à les attendre, et du coup, ils sont en armure de démineurs. Et puis, comme dans les films de braquage, il y a tout au début, donc il y a l'Esther qui a le plan, il y a d'ailleurs diverses approches. Ouais. Hein, oui, c'est vrai que ça y est, ça. C'est un peu plus musclé ou un peu plus discret, en gros, c'est ça. Et puis voilà, t'as plein de missions en fait annexes qui vont nourrir la mission, genre aller chercher le sous-marin, aller chercher telle ressource qui te permet de faire ça. T'as vraiment cette préparation qui est là aussi typique du cinéma. En fait, ça permet vraiment de faire un build-up pour le fameux climax, encore une fois, qui est le Ah ouais, à tout moment, tu t'attends à voir George Clooney, tu vois, qui va t'expliquer le plan avec plein de cuts et tout. En fait, ils étaient déjà là, on avait déjà volé le truc pendant que vous croyez qu'on faisait le braquage. En fait, Michael était dans le coffre-fort de la banque depuis le début. C'est vraiment les codes du Heist Movie sont bien respectés. Et c'est pas autant tourné en dérision. Là, je pense à un épisode, j'en parlais tout à l'heure, entre nous, de Rick et Morty, où ils se moquent justement d'Heist Movie, où ils vont vraiment loin dans le délire. Mais j'ai bien aimé, en tout cas, dans GTA, tu sais, le fait aussi qu'on ait ces petits moments où tu vas aller recruter des gens, et du coup, ça va jouer un petit peu sur les résultats, parce que en fonction des choix, tu vas plus ou moins réussir ton truc. Et du coup, c'est pas mal, tu vois, cette idée de pouvoir faire des choix. D'ailleurs, il y a plein de gens qui conseillaient à l'époque, je me souviens, quand c'était sorti dans les vidéos, tu vois, de faire une sauvegarde, de garder bien au chaud. Pour refaire au cas où tu veuilles gagner 3 ou 400 000 dollars de plus. Ouais. Donc ça, c'est les braquages, c'est peut-être là où le solo, on va dire, brille le plus. Et puis, il y a l'autre partie qui est celle de, finalement, l'expérience GTA qu'on a peut-être tous eu quand on était adolescent, qui est de juste jouer à GTA et faire n'importe quoi dans la ville, faire le Kekos, jouer finalement avec cette simulation. Et là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que avec GTA 5 et avec le online, ils vont pousser ça, en fait, ils vont cadrer un petit peu cette envie qu'on a de jouer, de faire n'importe quoi. Et c'est là que ça va vraiment permettre à GTA 5 de durer durer autant d'années. Ce qui est intéressant, c'est que le GTA Online, ça sort vraiment 2 semaines après GTA 5, mais en fait ça prend pas du tout à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un online sur Red Dead Redemption où il y avait déjà un petit peu ce côté un peu MMO slash persistant qui était déjà un petit peu organisé comme ça, c'était pas juste des matchs à mort et des trucs comme ça. Et là ça commence sur GTA 5, mais ça prend pas vraiment en fait au début, on s'en fout un peu, c'est un peu OSEF, etc. Et finalement c'est que 2 ans après, une fois que GTA aura déjà vendu quelques 70 millions d'exemplaires, et surtout qu'ils vont finalement rajouter les missions de braquage, les fameux heists. Là, on va pouvoir faire des braquages à plusieurs. Et en fait, c'est à ce moment-là que GTA Online va exploser. Quoi. Des missions, du coup, qui sont exclues au multi et que tu vas pouvoir faire en coop à 4 avec des amis, discuter. Et ça reprend encore des décors. J'avais vu quelques missions de braquage. T'en as une, c'est dans une prison. Il faut s'infiltrer en prison pour en libérer un. Et t'en as deux qui t'attendent devant, véhicule. Et un autre, ce sera un casino. Donc voilà, ça reprend aussi, encore une fois, des scènes de films. Et c'est le plaisir de de faire ça entre potes. Et bah ouais, là, faire ça entre potes. Enfin, je sais que moi, à l'époque, quand je jouais à GTA V, je me disais, tiens, si on pouvait faire les braquages à plusieurs, ce serait vraiment dingos. Et je pense qu'ils se le disaient aussi. Dès le départ, ils ont dû y penser, parce qu'il y a, du coup, on l'a pas dit, mais il y a un jeu qui s'appelle Payday, qui est sorti en 2011, je crois, le tout premier. J'avais noté 2013, le 2 aussi, ou 2014, un truc comme ça, ou qui reprend littéralement ça. C'est-à-dire que l'idée dans Payday, c'est de jouer des braqueurs, vous devez piquer des trucs. Après, et c'est quand même barrer. Très FPS. Enfin, mais c'est-à-dire là, c'est vraiment on est vraiment le dans de l'opposition, voilà. Puisque du coup, il y a les flics, voilà, etc. C'est ça, mais c'est... on retrouve cette idée de heist. Donc, il y avait déjà, on va dire, la base. Je pense qu'ils s'en sont peut-être un tout petit peu inspirés. Mais là, avec ce qu'ils avaient réussi à faire dans le solo, juste le transposer dans le multi, ça prend tellement son sens. C'est-à-dire que, quand, tu vois, proposer une simulation de vie, parce que dès San Andreas, on pouvait améliorer son perso, faire plein de pompes, le faire courir pour augmenter son endurance, etc. Tu avais un peu des éléments de RPG, entre guillemets, qui permettaient de augmenter, d'améliorer ton perso. Au sens roleplay. Ouais, hein. Au sens roleplay, vraiment, du terme vraiment rôliste, quoi. Tu joues ton perso, tu l'habilles comme tu veux, il a sa bagnole, sa façon d'écouter de la musique et tout. Transposer ça avec des gens qui peuvent interagir avec toi et qui vont voir ce que tu fais, parce que c'est bien beau d'avoir la plus belle baraque et la plus belle bagnole. Si personne est là pour le voir, c'est moins intéressant. Est-ce qu'on le voit vraiment, voilà. Si personne n'entend l'arbre tomber. Et d'ajouter ça avec du multi, avec le recul, je me dis, c'est drôle parce que, tu vois, les MMORPG, c'est un genre que j'ai pas beaucoup d'amour pour ces jeux-là, parce que ça a vraiment beaucoup changé au fil des années avec les trucs World of Warcraft, ça a été très codifié. Et en fait, le côté roleplay a beaucoup été perdu au fil des ans, et avec un jeu comme GTA, en fait, ils ont remis ça au centre du truc, et le fait qu'il y ait du GTA RP, par exemple, hein, qui est vraiment un pan entier du GTA Online, ça me choque pas, parce qu'il y a tous les outils pour faire de cette simulation de vie un truc alternatif, une espèce de Second Life pour les plus anciens d'entre nous. Je sais pas quels sont les exemples récents de petits réseaux sociaux, slash jeux comme ça, c'est quoi, Abo Hotel. C'est aussi il y a 20 ans, tu vois. C'est GTA 5, quoi. Mais GTA 5 fait ça, en fait. Dans lequel tu peux faire ça, tu peux t'amuser. En fait, il y a tellement d'interactions disponibles que, comme tu le dis, ça donne suffisamment d'outils pour pouvoir se incarner littéralement un personnage qu'on va créer comme un personnage de Moi, j'ai des potes qui ne jouent qu'à GTA 5 online. J'ai une amie, enfin la femme d'un ami, qui est directement, elle est, je sais plus, la dernière fois que j'avais regardé, elle était à 4000 ou 5000 heures uniquement sur GTA Online, tu vois, parce que tu gardes ton perso, tu vas gagner de l'argent au fur et à mesure, tu vas te faire tes trucs, tu vas continuer de faire tes missions. Évidemment, comme on est dans un jeu service, Rockstar va continuer d'alimenter régulièrement avec du contenu, des nouvelles missions, des trucs comme ça. Et bah, très rapidement, tu peux te retrouver à faire ta vie, entre guillemets, virtuelle dans GTA V. C'est ça. Et puis, bah, c'est ce qui s'est passé du coup avec le fameux GTA RP, avec c'était les events au départ. C'était Existait déjà avant. GTA RP, mais en tout cas, c'est à partir du event qu'il y a eu vraiment cet événement sur Twitch avec tous les gens. Bah, je pense que ça l'a mis en avant beaucoup en France. France, je pense que c'est ça. C'était déjà connu parce qu'ils ont repris un truc qui existait. Hein, GTA RP, il y avait déjà des gros streamers, je crois, américains qui avaient déjà pu s'y essayer ou quoi. Il y même français, en fait. Il y avait déjà pas mal de monde qui faisait du GTA RP. Je parle de vraiment gros streamers connus qui avaient peut-être déjà dû essayer faire des vidéos dessus, tu vois, plusieurs années avant. Et du coup, c'était un des donation goals. On précise, Zed Event, c'est des gros événements caritatifs où il y a plein de streamers qui se réunissent et en fonction de l'argent qui est donné, il y a des défis ou des goals, des choses qui vont être faites. Et ça se voit que je regarde pas. De toute façon, là, on peut même dire. Moi, tu me demanderais quelle année. Je sais même pas quelle année c'est. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a. En fait, on l'a noté parce que on est plus dans une logique de se dire, les gens vont nous dire. Il y a le Z-Event, etc. Vraiment, on le dit sincèrement. Hein, c'est vraiment les gens qui nous disent, si vous parlez pas du Z-Event, je me désabonne de fin du game. Non, mais en vrai, quand c'est arrivé, par contre, le GTA, moi, j'ai vu pas mal de clips et tout. C'était très bon délire. Et puis d'un coup, forcément, comme d'habitude, tu vois, la machine médiatique s'emballe. Donc, on va avoir des articles qui en parlent. On va avoir des articles, tu vois, dans Le Monde Pixel qui vont nous raconter l'histoire du GTA RP, etc., d'où ça vient. Donc c'est vrai que c'est devenu un truc encore plus gros que ça ne l'était. Et une fois de plus, parce qu'on l'a déjà dit dans tout un tas d'épisodes, une fois de plus, tu vois, Twitch permet permet de donner encore un élan supplémentaire à toute cette mouvance-là, parce que non seulement tu peux partager ça avec tes potes, mais tu peux partager ça avec le monde entier. Et ça, c'est top. Et GTA V, c'est un des jeux les plus streamés toujours encore aujourd'hui. Du monde. Il est parfois dans le top 3, top 5. Et, c'est un jeu sorti en 2013, quoi. C'est ça, en fait. C'est un jeu sorti en 2013. Et tu vois, ce qui va peut-être faire genre, pourquoi GTA, tu vois, c'est vrai que quand tu regardes les chiffres, tu te dis, en fait, en 2015, il y a déjà 70 millions de personnes qui ont ce jeu-là chez eux, quoi. Ouais. C'est déjà plus que. Donc, tu te dis, il suffit que je te mette un peu de online et que je mette du contenu, bah, c'est bon, en fait. T'as un nouveau jeu qui est dans ton jeu et si tu peux jouer avec des potes, tous tes potes ont forcément GTA puisque tout le monde a GTA. Enfin, tu te rends compte Il manquait 100 millions de personnes à ce moment-là. Non, mais regarde, si tu regardes vraiment les chiffres des PlayStation 4, genre, il y en a combien? On a fait 110 millions, 120 millions, ouais, un truc comme ça. 100, ouais. Bon, bah, tu te dis, je sais pas, il y a peut-être 60 millions de personnes de ces gens qui ont des PS4 qui ont eu un GTA. Oui, tu facile, vois. Ouais. Donc tu dis, enfin, c'est que t'as quasiment une chance sur deux pour que ton pote qui joue soit sur PC soit sur console, il ait le jeu. Donc, et dans ton groupe, tu vois, s'il y en a un dans le lot, tu vois, un de tes collègues au boulot ou je sais pas quoi, il a pas encore le GTA, bah de toute façon, du coup, tu vas avec la pression sociale, tu vas lui faire acheter GTA et il va venir jouer avec vous. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah forcément, ça fait que c'est ce jeu-là qui avait un solo qui était déjà extrêmement fort et voilà, les gens achetaient pour ça. Et en fait, ils ont fait en plus un online qui a pu s'installer vraiment sur la durée. Et ça, des jeux à la fois solo, à la fois sur l'online. Alors que pourtant, c'était le rêve de tout le monde. Oui, c'est-à-dire oui, bien sûr. Souvenez-vous, les années 2000, fin 2000, quand le Call online explose. Solo et online. Il y avait les jeux solo et les jeux online. Et tous les jeux solo, Uncharted, Last of Us, machin, ils voulaient Mass Effect 3, ils voulaient tous avoir leur mode multi avec comme objectif, tu vois, rêver de réussir à faire ce qu'a fait Rockstar avec GTA V. C'est-à-dire que si aujourd'hui les jeux services, parce qu'on est en 2013, 2013 c'est le début, vraiment le gros gros début des jeux services, tu vois, Destiny n'est pas encore sorti, c'est le lancement de Warframe. Non, ça prend que après. Il y a le lancement de Warframe, il y a le lancement de Path of Exile qui sont des jeux qui sont encore actifs aujourd'hui. Et les jeux services, pendant longtemps et encore aujourd'hui, ça fait rêver tout le monde. Tu vois, PlayStation, ils ont annoncé qu'ils en avaient, je crois, 6 ou 7 en développement. Et ils vont lancer tout ça, tu vois, dans la nature, en espérant qu'il y en ait un ou deux qui prennent. Mais personne ne. Tu vois, GTA aujourd'hui, même, c'est un peu le. Même Rockstar n'y arrive pas, puisque bah oui. Regarde Red Dead 2, ils l'ont lâché, est, c'est ce que j'allais dire. Ils l'ont lâché parce que ça prend pas autant que GTA, mais parce que t'as une masse de GTA qui sont dans la nature qui font que, bah, t'as une banque de clients là qui attendent d'avoir du contenu qui est énormissime et qui est monétisable. Donc, et c'est très monétisable et ça effectivement ça rapporte un blé de malade et en plus ça permet de vraiment s'intégrer dans la vie des gens. Alors ça c'est des petits trucs qu'on a vu, tu vois, en préparation des petites annexes, mais il y a pas mal de documentaires, il y en a deux de mémoire qui parlent, tu vois, de clubs de gens qui jouent à GTA et qui en font vraiment un truc au cœur de leur vie, qui sont des choses qu'on voyait en 2005 6 avec World of Warcraft, tu vois, avec des gens et tout. Bon là moi je me souviens d'une vidéo sur GTV là, la chaîne YouTube de Ubisoft, où là c'était un club de bikers qui jouaient à GTA et qui avaient vraiment leur, tu sais, bah, comme dans Sons of Anarchy, tu vois, ils ont les patchs, ils ont les machins et tout, et c'est des gens qui jouent à GTA à côté. Et donc, t'as ce côté un peu, tu vois, GTA qui arrive à se mélanger avec la vie quotidienne des gens et qui devient un truc important de leur routine, quoi. Et de toute façon, je pense que c'est ça aussi, GTA, c'est que c'est un truc culturellement, c'est un truc tellement important que justement ça va pouvoir toucher les sphères. Enfin, genre des bikers qui jouent à GTA, ça me surprend pas, tu vois. Tu me dis des bikers ils jouent à Disco Elysium, je serais plus étonné. Mais des bikers qui jouent à GTA, c'est voilà. Et en fait, c'est ça GTA. C'est devenu un monument de la culture geek pop moderne, en fait, ouais. Qu'on connaît toutes et tous, quoi. Plus tant geek que ça. Non, oui, justement, c'est même ça, mainstream c'est aujourd'hui. Parce que le geek est devenu un peu pop, mais, oui, c'est, voilà. Mais c'est vrai que c'est encore plus que ça, tu vois. Parce qu'on est dans une tranche de population, tu vois, bon, fin du game, tu vois, nous, on est un peu une niche, les gens qui écoutent, en général, sont plus informés, voire beaucoup plus informés que la moyenne, entre guillemets, ou que beaucoup de gens, mais il y a ce profil d'acheteur qui existe, hein, qui va acheter entre 2 et 5 jeux et par an. Et qui est la majorité, je pense. Hein, ah oui, c'est la majorité des gens. Voilà, et parce que parfois, nous, ça va être un peu le cliché, entre guillemets, mais enfin, ça existe et il n'y a aucun jugement de valeur, mais c'est personne qui va acheter Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed et GTA, ça va être la ruée au magasin d'énormément de gens. Et c'est ces gens-là qui ne sont pas forcément de la culture, entre guillemets, geek ou qui vont se revendiquer geek, mais voilà, ils ont ces jeux-là parce et que ça leur suffit en fait. C'est ça, ouais, parce que le jeu vidéo est passé justement dans le côté beaucoup plus quotidien et c'est tout à fait normal que des gens ils aient une PS4 qui jouent à FIFA et c'est beaucoup ce genre de profil qui va y avoir. Et puis oui, avoir GTA sur ta console, enfin, tu sais, ça tombe sous le sens en fait, presque de l'avoir sur ta console. Bah oui, bien sûr, j'ai GTA 5 parce que bah c'est une évidence, quoi, parce que tout le monde a fucking GTA 5, quoi. Donc il y a ce truc là et c'est ce qui fait que cette licence, elle est vraiment unique dans le jeu vidéo. Ils ont vraiment réussi à créer un truc et moi je pense que ça tient à ce truc assez essentiel et ce fun primordial d'être juste dans une simulation de ville qui ressemble un peu à une ville que tu connais, ce truc quand on sort chez nous, on le croise, et tu peux faire le con. Tu vas prendre une bagnole, tu peux tirer en l'air, et il se passe des choses. Et il y a un truc fondamental, en fait, qu'ils avaient déjà trouvé déjà dès l'époque. Hein. C'est pas GTA V qui l'a trouvé, mais là, avec GTA V, avec les moyens, etc., bah, moi, je me souviens, mon ex, voilà, jouait à GTA V devant elle, elle m'a dit, est-ce que je peux prendre la manette et alors qu'elle joue pas, elle jouait pas du tout quoi. Donc c'était vraiment, il y a un truc qui est attirant et de dire bah c'est rigolo, je peux conduire et ça réagit autour de moi. Il y a un truc bêtement transgressif, tu vois, sans faire en faisant un peu de psychologie de comptoir justement. Tu vois, c'est enfin quand on était môme, on jouait aux flics et aux voleurs, tu vois, tu jouais aux bandits, machin. Tu peux faire ça dans GTA. Enfin, moi GTA même, alors moins sur le 5 parce que je l'ai fait à l'époque, j'avais moins le temps, mais je sais que sur GTA 4, j'ai passé énormément de temps à faire juste n'importe quoi et à m'éclater avec des objectifs que je m'étais complètement inventé et ça me suffisait et ça me plaisait, tu vois, on en a pas parlé, mais il y avait des trucs comme ça. Non mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a toute une, enfin tu vois, je parlais là, j'y pensais parce que je l'ai mentionné, t'es le wasted. Ouais. Tu sais, c'est des espèces de gifs de gens qui se font percuter, ça fait tout wasted. Enfin, c'est des trucs, c'est rentré dans une imagerie commune qu'on connaît. Les 5 étoiles avant. Ouais, ouais, j'étais à 5, c'est ça qui est fou. Et 5 étoiles dans combien de chansons de rap te disent voilà, on a 5 étoiles avec la police. Ça, c'est un classique. T'as souvent la blague quand quelqu'un pose et tout, quelqu'un qui dit on dirait un écran de chargement de GTA. Ils ont réussi à. C'est un truc, je trouve, que je sais pas, je mettrais peut-être pas ça à côté de Star Wars, mais en vrai, on est dans des icônes de la culture populaire. Et comme la culture populaire aujourd'hui, et la culture geek en particulier, est devenue mainstream, bah GTA profite, tu vois, aussi de ce truc-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont partis de cette idée de c'est des fans de la culture américaine et ils voulaient la retranscrire en jeu vidéo. Et aujourd'hui, ils sont devenus eux-mêmes une espèce d'acteurs, tu vois, ouais. Ils influencent eux-mêmes des trucs, au final. Tu vois, ils ont tellement réussi que, de leur objectif de départ aujourd'hui, GTA aujourd'hui c'est un truc qui, il représente des trucs, tu vois, Trevor, l'acteur qui joue Trevor, j'ai oublié son nom donc c'est pas très cool, mais tu vois, je l'ai vu dans Walking Dead et j'ai fait, tu sais, le gif de DiCaprio, oui, mais c'est Trevor, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois, parce que je savais pas que c'était lui qui allait jouer ce gars-là, tu vois, alors que je l'avais jamais vu d'avant. Mais désormais, dès que je vais le voir dans une série ou un truc, je me dis, putain, c'est Trevor quand même, c'est incroyable. Et c'est ce qui fait que, on se demande aussi, voilà, est-ce que ce GTA V, c'est vraiment la version ultime? Est-ce que GTA VI fera mieux? On sait pas, on sait que maintenant, enfin, de toute façon, on savait que moi, je peux le dire maintenant. Tu peux le dire, Maxime? Eh ben alors, dis-nous, est-ce que ça va être plus gros? Non, mais je sais. Ah, tu sais, c'était une blague. Je pensais qu'on allait dire des vraies choses. Non, mais voilà, GTA 6 qui est en préparation. On n'a pas trop d'infos. Moi, j'avoue que je me suis pas trop renseigné. J'ai vu qu'il y a eu les petites polémiques, machin. Je vous le dis, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'infos concrètes. Il faut le savoir. Par contre, ce qu'on se posait comme question, c'était que vraiment, il y avait ce truc de quelle tonalité avoir pour un GTA. C'est quoi la suite de GTA 5? Voilà, c'est quoi la suite de GTA 5? Parce qu'on sent que là, on est au bout, c'est l'argent, le machin. Comment on fait? Comment on parle aussi d'une Amérique post-Trump, des trucs comme ça, tu vois? Ça, c'est des questionnements. Pour le coup, ça, c'est dans les rumeurs, dans les trucs dont ils parlent. C'est pas nous qui nous demandent, c'était parce que c'est Schreier, je crois, qui avait récolté quelques propos. Et effectivement, ils se demandent dans le studio ce que tu disais, en gros, quelle Amérique est-ce qu'on va représenter? Parce qu'effectivement, le mandat Trump a été assez mouvementé d'un point de vue parodie. Ils disent, y a plein de trucs en fait qui se sont c'est un peu devenu une parodie d'elle-même, tu vois, l'Amérique sur le côté un peu, tu sais, les mensonges, le complotisme et tout, enfin Trump compliqué. Qui s'exprime sur Twitter, enfin tu vois, Trump, c'est un truc, c'est GTA-esque en fait, tu vois, limite eux, ils auraient pu l'écrire, mais c'était un personnage justement qui était, enfin, qu'on a vu dans des films, qui animait des shows, c'est devenu le président des États-Unis en fait, déjà rien que ça, tu sais, il y a un côté c'est l'Amérique, tu vois. Il y avait déjà quand même Schwarzenegger qui était gouverneur de Californie, machin. Oui, il y avait Reagan qui était un acteur. Reagan, je crois. Ouais, un des deux. Mais voilà, donc c'est pas la première fois qu'ils élisent des acteurs et des showmen. Quel pays. Les États-Unis. C'est vraiment un pays un peu à part et qui, du coup, reste encore aujourd'hui, tu vois, dominant en termes culturels, d'influence économique, etc. Mais qui est un peu sur le déclin. Tu vois, je suis pas anti-américain en disant ça. On sait que l'économie est plutôt sur le déclin, etc. Les États-Unis, ils sont un peu en recherche aussi d'identité. A fortiori, maintenant qu'il y a eu Trump, etc. Plutôt fasciste, plutôt... Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on fait tu vois, genre, il y a eu un coup d'État au moment des élections, des dernières élections des humains. Alors, le coup d'État n'a pas eu lieu, mais il a eu lieu quand même malgré tout. Il y a eu une tentative. Donc, tu te dis, il y a quand même un vrai gros, on va dire, comment on pourrait dire, une espèce de crise un petit peu au sein des États-Unis. Et GTA, a priori, tu vois, son rôle, entre guillemets, on l'attendrait justement sur ça, commenter ce truc-là, etc. Et le truc, c'est que comparé, il y a un autre problème, c'est qu'on l'avait dit, tu vois, GTA 3, Vice City et San Andreas, ça sort en 4 ans. Ouais. Et après, ça sort... là, les temps de développement sont tellement de plus en plus longs que tu dis que quand ils ont commencé à réfléchir à GTA 6, mais il y a dû se passer 1000 trucs. Tu te dis, mais là, ouais, comment on est encore pertinent t'as eu, pour Trump, le Covid, bah, le machin, il ouais, y a une dis, guerre avec la Russie, l'Ukraine. Enfin, le monde, il y a tellement de choses qui sont passées. Et en fait, par rapport au rythme de sortie des GTA, ils peuvent plus. Enfin, ils peuvent pas rattraper l'actu, quoi. Mais donc, de toute façon, compliqué. Bah après, on l'a dit, non, parce que GTA 5 finalement n'était pas vraiment dans l'actu. Le truc non, le plus non. actuel qu'il y avait, c'était Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que bon, en 2013, Facebook c'est quand même au sommet et ils sont quand même allés jusqu'à faire péter la cervelle quand ouais. même du CEO. Tu fais, ok, bon là. Mais tout le reste, on l'a dit, Big Pharma, le tabac, ça va pas disparaître. Non, tu non, vois. Non, non. Donc finalement, ils vont peut-être rester un petit peu. Mais je sais pas. Du métaverse, je sais pas. Ouais, ouais. Métaverse, Covido, ça va vraiment être génial. Mais c'est parce qu'il y aurait tellement de trucs, mais on est déjà dans GTA 6. On est déjà dans des trucs assez parodique, enfin tu vois les avec les Elon Musk là, les gens qui oui, veulent acheter Twitter, je sais pas toi, si c'est plein de personnages bah, ouais, qui sont un peu des parodies ouais, de personnages qu'on aurait pu croiser dans GTA en fait quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, on verra ce que sera GTA 6. Est-ce que GTA ça va continuer, est-ce que ce sera 200 millions de ventes, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce GTA 5, bah c'est vraiment l'aboutissement, l'incarnation la plus puissante de ce qu'a toujours été, de ce qu'a toujours voulu être GTA. Ce qu'il va falloir voilà. gérer, c'est la transition entre GTA Online et GTA 6 Online, tu vois, parce ouais, que justement vrai, comment on va ça va être un truc qui est assez, alors c'est un truc sur lequel moi je suis assez intéressé, c'est peut-être pas un sujet qui va parler aux gens, mais comme on est aujourd'hui, tu vois, avec ces jeux services qui vont devoir passer le relais de toute façon, avec d'autres, tu vois, il y a plein de jeux qui se posent la questions qui sont dans cette phase de transition, tu vois, où bah, comment on est passé de Destiny 1 à Destiny 2, ça allait, mais quand il y a un jeu qui cartonne, comment on va passer un jour, tu vois, un autre Fortnite. Fortnite continue d'évoluer en s'appelant juste Fortnite, par exemple, mais GTA, est-ce que GTA Online ouais. va devenir un truc à part qui continue d'évoluer, qui aura une update graphique à un moment ou donné est-ce que, ouais, ou est-ce qu'il y aura, ouais, justement, peut-être que GTA Online va rester GTA Online et tu sais qu'il y aura une espèce de gros ils takeover. Ils vont intégrer une nouvelle et voilà, map, c'est ça, un nouveau truc. On refait on tout pas. Un truc et ça y est. Donc écoute, on verra bien, de toute façon, on va pas jouer les spéculateurs. On espère que bah, vous avez passé un bon moment avec nous, ce long moment à parler de GTA V. C'était cool de revenir sur jeu qui est, en fait, on peut le dire aussi, c'est pas un jeu qui nous a bouleversé. Moi, tu vois, c'est un jeu, j'y joue, je fais bon, ok, tu vois, c'est GTA, mais parce que je pense que nous, on joue à tellement d'autres jeux, il y a tellement de trucs aussi qui nous alimentent, c'est pas les jeux qui vont plus nous impressionner. Mais c'était intéressant de revenir parce que c'est un jeu assez unique et puis qui a eu un succès qui l'est tout autant. Donc voilà, on espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. On vous remercie d'aller faire un petit tour sur notre page Patreon pour nous soutenir. On remercie également le PlayStation Plus, c'est le sponsor de Fin du Game. Je vous rappelle que vous avez toutes les offres, tous les paliers sont à retrouver hein, sur PlayStation. Vous pouvez accéder à tout un catalogue de jeux. Souvenez-vous, il y a Chicory qui arrive là le 20 septembre si vous voulez jouer à ce jeu avant l'épisode de Fin du Game. Un jeu avec un succès incroyable. C'est des quintes de millions. J'étais à ça, il est à ça derrière. À peu de choses près, effectivement. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Le jeu, ce sera Okami, jeu de la Blacklist. Là, on va partir de l'autre côté. On a fait les États-Unis, maintenant on repart au Japon. Et puis, voilà, merci de nous avoir écoutés. Salut. Bye.